Ce sera nos commentaires pré-chaud de la poutine. Il y a une petite frite sec qui a comme passé tout derrière. J'ai vu passer quand t'as poussé. En direct des studios Young Media. Moi, c'est un micro. Hein. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. On a presque eu un décès en ce moment sur le show. Là. L'alignement de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, JF Comp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Marc Vero. Que son numéro est encore 7 sur le 7, ça a l'air. Là. le numéro 31, Jeff Mallette. Et pour la première fois cette saison, le numéro 98, Alex Galipo. Yeah. Bienvenue, Alex, pour cette saison. On a échangé un Alex pour un autre cette semaine. C'est l'aliment de départ. Wow, je manque toujours la première épisode. On a échangé pour un moins fatigant. C'est une tradition. Non, parce que tout ton camp d'entraînement, il est toujours. T'es du slack tout le temps. J'essaie de te renégocier mon contrat. Ouais, mais t'es pas un peu overweight. Un peu. Ben, c'est ça, le problème. Je vais me mettre en shape. C'est un genre de Smith Belly. Ouais. Oh, Smith Belly. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Wow, et on vous en parle avec passion et boisson. Non, on n'est pas un podcast? Nous ne sommes pas. Nous sommes. Hey, il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, fait qu'on va aller faire l'avant-match. Dave, à chaque thème, il s'étouffe. Fait qu'il y a plusieurs choses à parler dans l'avant-match. Commençons par le pool de la soirée du podcast. On va encore redonner nos... T'es-tu correct, Dave? Oui. T'es correct, Bergie? Ça va bien. On va redonner encore les positions à chaque podcast des 5 premiers et nos positions respectives. Alors, voici, en date du... on est quoi? On est le 16 aujourd'hui? 16 octobre 2015. Cinquième position, Mathieu Gilina, qui a succombé aujourd'hui à notre pression sociale d'aller s'acheter une poutine de Jeff Petrie. Quatrième position, JF La Liberté. Ex-equo en... Ben, il était ex-equo en quatrième et en troisième avec Dave. Dave est troisième. Dave qui a bénéficié d'un passe-droit qui a passé par-dessus la date limite des échanges. Puis il se ramasse troisième. C'est un hasard, je ne penserai pas. Ben, c'est bien ce que vous voulez. En passant, là, l'année passée, j'ai été premier dans les débuts, puis j'ai fini genre 24e. Ouais, ça veut dire fuck all. Ouais, ça va pas de suite. Deuxième position, Marc Belletête. Et en première position, Laurent Poulin. On vous rappelle lui, que vous avez. Il doit avoir une belle tête. On vous rappelle que vous avez droit à un échange par mois. Et il y a un échange en octobre d'ailleurs. Que vous pouvez déjà commencer à faire votre échange. Merci un échange par mois. Ouais, l'année passée, il n'y en avait pas assez. J'en ai déjà à faire. Fait que pour ce qui est de nos positions à nous, qui ne sommes pas dans le top 5, sauf Dave, en sixième position, Mart. T'es pas loin du top 5. Huitième position, Alex Cromp, le fan du laitier. En douzième position, Alex Galipo. C'est le garçon du laitier. Le garçon du laitier. JF Mallette, 20e position. Et moi-même en 24e. Sur 41, quand même, c'est pas si mal. On commence, on se place. Alors, allez faire vos échanges. on a reçu un courriel, c'est rare là, on a reçu un courriel d'un auditeur, c'est une passée. Non, c'est un courriel, c'est comme email. On a reçu un email, une facture là. C'est des courriers papier là. Une facture genre. On a reçu une lettre par la poste. C'est Alan on a reçu ça d'un messager. En fait, c'est Alan Bernard, il veut savoir avec son cheval. Il veut savoir pourquoi on n'a pas fait d'épisode des pooleurs cette année. Juste parce, parce qu'on ne l'a jamais fait. Ben, on voulait le faire parce qu'il dit que ce serait intéressant, vous avez des bonnes connaissances, on voudrait avoir vos opinions sur les choix à prendre. Fuck. On a l'air d'avoir des bonnes connaissances. On a juste marre, des stats là, floues, mais c'est pas grave. Mais on voulait en faire un, en fait, là, un pool interne, puis on a manqué de temps. Là. Beaucoup de bébés sont nés dans les derniers mois. Là. On l'enfante. Ouais, c'est ça. C'est ça produit. Non, non, c'est non, ça, pas dire, la soirée du podcast, je répète le Québec. Ouais, c'est ça. Les bébés, là, Ned, c'est pas si pire que ça, c'est qu'ils sont tout le temps malades, calice. Ouais. Pas ça le pire. Puis il nous a demandé aussi si on pouvait mettre, Dave, la date des épisodes quelque part. Fait qu'on va les mettre sur le site, j'ai l'impression. Là. Ouais, on t'arrête de checker ça. C'est un bon point. Merci de nous avoir envoyé ça comme commentaire. Check. Bon, fait que on a essayé la poutine aujourd'hui. La poutine Jeff Petrie avec du smoked meat. La Petrie poutine. Dave, c'est du fait de de la moutarde. Dave a failli mourir avec. Là. Ben, moi. Alors, c'est à cause des frites du McDo. C'est fini, cette poutine a failli me tuer. La poutine Smoke Meat Jeff Petrie qui contient 282 grammes de frites, du fromage Saputo, de la sauce brune, du Smoke Meat Lester, ça se peut qu'on ait toute la listériose en ce moment. C'est pour ça. Trois cornichons et un filet de moutarde. Trois cornichons, trois petits morceaux de cornichons. Trois petits cornichons, man. Oh, ouais. Les mêmes que les burgers. La sixième bouchée, j'en prends un. Ouais, j'aurais dû genre prendre un extra cornichon, là. Je sais pas, ils vont le charger. Ils vont pas te charger pour un extra cornichon. Non, sûrement pas. Là. C'est comme un cadeau. Ça leur coûte rien. J'étais curieux d'aller voir les informations nutritionnelles de ça. Fait que une poutine plus un Big Mac équivaut à 1120 calories, 64 grammes de gras et 2400 mg de sel. Ça, c'est malade. Ça équivaut à manger 15 cuillères de beurre. Ça, c'est mais sérieusement, pour la santé, ben, 15 cuillères de beurre, c'est pas méchant pendant tout. Ben, ça te huile l'intérieur, c'est sûr que tout se passe bien. Non, mais le beurre, là, c'est nourrissant. Tu dois chier mou en esti après ça. Pas de la margarine, du beurre, right? Du beurre, du beurre. Ouais, le beurre, c'est nourrissant. Le beurre, c'est comme le PFK. Tu manges ça, le flux automatique, là. Le beurre. J'ai déjà vu un chien manger une livre de beurre, bon, il a dû la chier après ça aussi. Ah, il vomit. En tout cas. Mais moi j'ai déjà eu un chien qui a mangé une livre de beurre que ma mère avait mis sur le comptoir pour faire dégeler, puis à la fin il était emballé dans le papier d'aluminium, puis à la fin il n'y avait plus de papier d'aluminium non plus. Fait que, il a-tu fait une belle ouennerie comme cadeau à la fin? Ouais, il tout emballé. La livre de beurre, il te l'a sorti bien straight. Là. Carré, une livre de beurre carré. C'était comme pouf! Passons! Bon, en tout cas, pour revenir à la poutine... C'est les images, là! C'était pas mauvais quand même, la poutine. Honnêtement, là. Moi, j'ai pas goûté. Honnêtement, surtout. Cher en crisse. La moutarde. Pour ce que c'est. Mais ça coûte. C'était pas mauvais, la moutarde. Ça match avec la viande à smoke meat. Les pickles. Puis les pickles. Un petit goût vinaigré. C'est vraiment pas mauvais. Mais tu sais, je veux dire. On s'entend que côté poutine, il se fait mieux, là. Mais... Ouais, côté smoke meat aussi. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est du petit smoke meat. Ben, côté resto fast food. C'est là que tu mets dans l'eau bouillie, là, tu sais, dans le petit poche de plastique. Même encore, il est probablement meilleur, celui-là. Non, c'est correct, c'est passable. Achetez-en un pour goûter, puis après ça, achetez-en plus jamais. Après ça, sacrez-nous patience avec ça. Mettez le feu dedans. À essayer. Au moins, on était. On pensait que c'était sold out tout à l'heure en arrivant à Longueuil. Moi, puis JF, on est arrivé, puis c'était tout noir dans le McDo. On s'entend-tu que je me fais offrir un contrat de combien, Petrie? Genre 6-7 millions 7 millions. 6 millions. Puis il m'offre une poutine. Maman, lui, c'est la crise de poutine. Ben, 7 cette année, lui. 6. Ouais, mais je pense que c'est 7. La pub est excellente. Cette année. Genre, ouais, ça, pas la pub est excellente. Ah, c'est le masse salarial, il est 6,5, je pense. Une bonne réalisation. 6. Pendant que Dave cherche. No cares. Fais de l'argent. C'est ça. Hey, dernier point, rapidement, je voulais qu'on parle des Blue Jays. Il compte pour 7 cette année. This is not fucking baseball! Compte pour 5 points. On va en parler quand même. On va parler rapidement. C'est ça. Parce que Dave aime bien dire à quel point que c'est poche le baseball, puis qu'il se passe à rien, puis que c'est long, puis que c'est plate. T'as écouté les dernières games, Dave? Ouais. Tu trouves ça long, plate et pas intéressant? Ben là, attends, là, on parle de match de série first. Ben là, tout le monde est bandé baseball. Ouais, là, tout le monde est amateur de baseball d'un coup. Je me déclare pas amateur de baseball, j'écouterai pas de saison pas parce d'un que coup. C'est 140 games. Ouais. C'est incroyable comment je vois du monde qui parlait pas de baseball de toute l'année. Il y en a. Des amateurs de baseball. Comme il y en a qui deviennent amateurs de hockey quand les Canadiens. Non, mais c'est plus que les Blue Jays, à partir de la date de transaction, c'est là que pas dans cette pièce-ci. Honnêtement, ben. Il n'y a pas d'amateur impromptu de playoff là. Genre. Non, mais tu te rends compte que oui, le baseball, oui. Anyway. Pas là, toi, là. Mais tu te rends compte que le baseball, anyway, c'est un sport que, tu sais, ça va être genre les erreurs qui vont faire compter vraiment ton équipe. On l'a vu dans la dernière game. C'est tout ça. Tu sais, le baseball, c'est un sport d'erreur. C'est un sport d'erreur, puis c'est un sport de mental. Paresseux. Ben, oui, là, mais c'est un sport mental aussi. Là. Le seul sport, c'est-tu, où t'as des hosties de gros, mon gars, avec des pantalons slack qui ont l'air des méchants crises de. T'es sérieux de courir avec des pantalons? T'es sérieux de courir avec des petits pantalons de même? Non, mais c'est parce que le petit gars maigre, lui, il va le début. Le gros, lui, est là pour claquer. Non, mais les gros courent pas pire et tout, là, pareil. Là. Oh, c'est bon. Oh, il y en a que oui. Puis le lanceur, il a du bras en nez. C'est comme Russell Martin. Puis le gars qui fait un relais du champ centre, c'est une barbe en avant. Je dénigre pas leur talent, mais la balle est même pas un sport que je trouve. Je veux dire, pour moi, côté intérêt, là. Mais it's right up there avec le soccer, là. Non. Ouais, j'aime mieux le baseball que le soccer. C'est pas... C'est, ben, peut-être... Quoi que j'aime bien voir Didier Drogba aller. Peut-être un peu, mais ben, c'est ça. Didier Drogba, c'est pas mal plus spectaculaire. J'irais voir l'impact pour Drogba. Genre, ben, c'est ça. T'sais. Plus qu'une game de baseball où que Chris a le trois quarts de la game, il se passe pas grand-chose. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Honnêtement, la dernière game était... Super, le fun mais ça à écouter. Pas de sens, ce game-là, là. Game de série, puis c'est fun. Il y a eu des erreurs qui ont fait que les Blue Jays sont venus dans le game en 7e manche. C'était malade, là. C'était écœurant, mais tu sais, en même temps, je veux dire, je trouve. J'ai pas beaucoup d'intérêt. Là, j'en ai parce que c'est les séries, puis bon, c'est la seule équipe canadienne, puis c'est intéressant à voir quand même. C'est parce que je pense mais qu'au baseball, de toute façon, moi, je peux pas te fier juste non plus. Genre, non, mais au lancer pour faire attaquer, faut que tu regardes ce qui se passe à l'entour aussi. Non, c'est parce que au baseball, tu peux te lever, tu peux aller faire un peu d'autres choses. C'est ça, à t'es pas obligé de t'en checker. À un moment donné, t'arrives dans une grosse manche, justement, que tu dis comme fuck, man, si les buts sont pleins. t'as le gros batteur qui arrive au match. Chaque lancé est comme... Il y a le stress de chaque lancé. Moi, c'est ça que j'aime. L'anticipation de chaque lancé. Il pitche. OK, là, qu'est-ce que c'est le strike good? Après ça, c'est... Les stratégies qu'on fait quand ils vont, genre, justement, avec un bond, toutes les affaires de la main, là, tu fais comme... Ah, man, OK, ça, c'était bien pensé. Il y a beaucoup de stratégies dans le baseball. Ouais, ouais, ouais. John Gibbons. Game pas de comme... finesse, puis de... De finesse. Ouais, ben, non, mais une façon, je comprends ce que tu veux dire, c'est ça. C'est dans la stratégie. Pensé, hein. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'aime ça aussi pour ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que tu peux faire. Tu dis, ah, oh, Chris, la game est comme 5 à 1, là, puis tu fais comme, ben, fuck it. Ouais. Je le laisse en background. Ben, en saison régulière, si ça joue, je vais l'écouter des fois, mais je me suis pas pour dire, hey, là, il y a une game des Jays. On s'entend qu'il joue des fois. Si ça joue dans la saison, moi, le poids du temps, je vais changer de boss. C'est surtout moi, j'ai écouté. Il y a des fois, il y a deux game, il joue deux games dans la même journée. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais parce que justement, c'est pas un sport physique. Ah, il joue genre combien 180 games dans 160. Une saison 162. Ah, c'est ça, ça a même pas de. Non, mais c'est pas bon physique. Sens, mais il joue à tous les jours. Mais c'est le lanceur. Le lanceur, ouais. C'est physique. C'est pour ça que t'as autant. Le bras, man, non, mais c'est le seul sport où est-ce que tu vas jouer autant de games dans une année. Fait que c'est pas aussi demandant. Ben, compare ça au golf. C'est sûr que quasiment au niveau sportif. Un peu intense que le golf, mais le golf, il pourrait jouer à chaque jour. C'est pas le rugby. Ok, le golf, c'est vraiment genre. Loin dans ma liste. Là. Ah oh, ouais, je sais pas que c'est. J'ai jamais ça à TV. Non. C'est pas vrai. Ah, mais le baseball est quasiment plus excitant à écouter que le golf. Là, on s'entend. Ben, Masters, c'est cool. Là, c'est bon pour moi. Ah, c'est full excitant. Ça, c'est ça, je m'endors. Man, la dernière heure. Là. Ça, c'est ça, je m'endors comme le soccer. Man, du golf, là, le soccer, ça me fait même affaire. Je suis comme. Ben, c'est bon, donc. Mon père a une habitude à chaque dimanche de mettre le golf et de dormir. C'est un bon endormitoire. C'est parce qu'au golf, il parle pas. Ah ouais, ouais, il y a peur, de, y a peur que le gars l'entende. Ouais, c'est comme au tennis, là, quand t'écoutes. Là, avec non, c'est pas une prise. Avec le DG là, du national. Là. Il va en ponton. Ah, il est bon, par exemple, ponton. Ben oui, c'est à bord du haut. Pour, lui, pour commenter. Fille, là. Là, ponton puis l'autre, c'est Hélène. Là. Ouais, Hélène, c'est ça. Hélène, Hélène quelque chose. Ben, Hélène Pelletier. C'est comme la connaisseuse. Elle connaît tous les joueurs. Ponton est assez solide aussi. Et puis elle est tellement genre comme stickée sur Nadal. On n'a pas trop de Nadal, Nadal, Nadal. Ah, non, esti, là. Mais là, elle finit. Fait qu'on a donné le droit à Jeff de mettre son jersey de Russell Martin aujourd'hui. Là. Eh oui. Après son erreur de merde. Ben c'est pour de ça que les Blue Jays bâton, aussi là. Qu'il y a un intérêt. Ouais, mais on s'entend là, que c'est quand même que un team de là. Toronto. Calice. Là, ouais, ben, ça leur fait différent d'avoir une équipe championne. Là, où, les qui Cubs. Performe. Les Cubs. Back to the Future 2. Ouais, back to the Future. Future on dit que les Cubs gagnaient cette année et sont encore en playoff. J'avoue que s'ils gagneraient... Moi, s'ils gagnent, je capote. Ça me dérange. Là, je vais aimer le baseball. Dans le baseball. Mais le baseball. S'ils gagnent, je me crisse en bas du troisième, je pense. Avec mon Blu-ray. L'acteur! Et qui sera vice-président? Jerry Lewis! Fait que sur ça, on va aller commencer la première période. Ah ouais? On vous invite à envoyer vos dons pour nous acheter un nouveau iPad. bon, fait que cette semaine, on pourra faire nos vrais plus et nos moins, mais avant ça, on va faire un petit résumé des 5 games. Le Canadien qui est maintenant passé à l'histoire. On fait un podcast historique, une première dans l'histoire de la soirée du podcast à la TVA Sport. Je suis d'ailleurs très content que la 5e victoire arrive à RDS et non à TVA Sport. Le Canadien qui est invaincu à son début de saison après 5 parties, c'est donc 5-0. Il arrêtait même milqué TVA Sport. Alors, c'est TVA Sport qu'on fait l'histoire de la 50. Ah, fait que résumé des matchs rapides. Le premier match contre Toronto, victoire de 3-1. Deux buts de Pacioretty, trois passes de Subban. Là, il y a du monde qui a commencé à dire « Oh là, Pacioretty s'enligne vers une saison de 172 buts, puis Subban 243 assists. » Là, moi, vous le dire, là, arrêtez-moi ça tout de suite, c'est pas drôle. C'est pas drôle! Non! Je n'aime pas ça. Ça j'aime c'est pas non. Ça. Parce que j'ai vu des journalistes le faire, j'étais comme ça, c'est vraiment stupide. Non, là. Je peux pas commencer parce que Pacioretty peut se blesser n'importe quand. Là. Il va rebondir. S'il se blesse. ils vont venir s'il se blesse. Ça, c'est un gros call, ça. Il va rebondir. Le Golden Boy. C'est Wolverine. Deuxième match contre Boston. On a gagné 4-2. Toujours le fun de voir Boston perdre. D'ailleurs, je pense que Boston. Cette année, on va perdre contre d'autres. Autres. Boston, ils ont tellement plus de clubs. L'équipe, ça fait même plus peur. C'est comme jouer contre Toronto. Sérieux, là. Ah, puis, tu sais, honnêtement, là, j'ai jamais eu la rivalité. On va voir un match des Sénateurs cette année. Ouais, ça va être bien meilleur ça, contre les Sénateurs que contre les Bruins. New York. Mais New York, là, ils ont quoi? C'est 10 matchs, on a quoi? 8 victoires, 2 défaites. Les 10 derniers matchs contre les Rangers. Il n'y a pas eu 10 games. En saison. Non, les 10 dernières games. En saison régulière. Ben, c'est tight, c'est tout le temps des bonnes games. Price, là, il y a une moyenne de 0,43 contre eux autres. C'est bon. C'est dégueulasse. C'est ce dans les 10 dernières games. Troisième game, on a joué contre Ottawa, on a gagné 3-1. Bonne game, ça. Quatrième game, ouais, qu'il y a eu certains analystes qui disaient « Oh, ça ne regarde pas bien, on joue contre Pittsburgh, on va perdre, on a gagné 3-2. » Ouais, mais c'est parce qu'il avait perdu 3 de suite, fait qu'il était sûr qu'il était pour revenir. Ouais, il était pour rebondir. Ouais, ouais, il était dû. Price a volé Crosby. Pour de vrai, ça, là, Crosby, là, dans cette game-là, puis tu le vois, man, il veut plus jouer pour ce coach-là. Moi, je pense que le coach... Ah, ouais? Ah le coach, hey, c'est le premier à partir. C'est comme vraiment, il a l'air sans colisser. J'ai une prédiction, les gars, pour les Penguins de Pittsburgh. Je pense que le premier coach à se faire mettre dehors, ça va être Mike Johnson. Puis le gars qui va le remplacer, là, c'est Jacques Martin. Claude exactement ça. Oh, shit, c'est le consultant ça du club. Ah ouais, il est assistant coach. Je vous le dis, Jacques Martin revient dans la ligue cette année, puis il va coacher pour les Penguins de Pittsburgh, puis Crosby va être en tabarnak. Il y a-tu déjà côté du monde? Il y a-tu déjà côté des joueurs là-dedans, Jacques Martin? Dans les pratiques, il est là pour consulter. Non, mais tu sais, dans une autre équipe des Sens, il n'y a pas genre des anciens Sens, personne. Il y a coaché. Non, je pense que. Non. C'est le gars de quatrième trio qui nous manque, il ne passe pas par le même pas, c'ti. Non, c'est tous des jeunes dans cette équipe-là. Les anciens Sens, péter la Sens. Ça dépend. Si Claude Julien se fait. Attends, on n'est pas rendu encore à Marcel Aubut. Cinquième game. Mais en tout cas, Crosby, toute la gang. Malkin qui engueulait. Ah oui, on engueulait. Ah, c'était malade, ça. Non, on couche. Pascal Dupuis qui est encore blessé. Tout fucké, man. C'est qu'il est tout en l'envers. Ah, c'est le bordel total. Ouais, c'est ça. Défensive de Mars. Défensive de Mars. Ouais, ouais. Ben Love Joy. Beau Bennett, mais il est blessé. Il est blessé, man. Beau Bennett, il est blessé. What's your name? Beau. My name is Beau. Beau Bennett. Cinquième game, la game d'hier contre les Rangers, on a gagné 3-0. Alors un blanchissage de Price pour rentrer dans l'histoire. Mais qu'on l'a en deuxième période, les boys. Hein? Ouais. T'as failli le jinxer, ils sont là. Sérieux, là. Ouais, tu peux donner la chienne, toi, quand t'as dit ça. Tout après, j'ai vu le 3 contre 5, il a pas laissé. Ah, c'est sûr, vous disiez genre de dire comme. Dis pas un seul blanchissage, ça va comme gâcher le blanchissage. Il y a juste Pierrot quand il en parle qu'il fuck. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, là. Le Chris de game de goaler, pareil. Ah, Lundqvist, c'était bon et tout. Ah, Lundqvist, c'était bon. Lundqvist, c'est un esti de bon goaler. Ben oui. C'est juste que ce gars-là, il chie dans la panne quand c'est pas le temps. C'est ça, des petits garbage goals. Ouais. Genre, ouais. Passer ouais. De côté. Ouais. Fireball, man. Mais comme hier, esti, le dernier but, le deuxième but qu'il a donné à la fin de la troisième, il restait même pas deux minutes. Ouais. C'est pas bon. Il a empêché son équipe d'enlever le goaler puis d'aller attaquer. Il est comme Fleury un peu, man, là-dessus. Ouais, là. Il crumble comme un peu. Ah, oh, mais tabarnak, il est crissement meilleur que Fleury, man. Ben oui. Je le prendrais en avant de Fleury. Fleury, c'est un bon goaler aussi. C'est juste qu'il est pas capable de goaler. Les 5 dernières années, Il est bon. Il fait partie du top 5. Il est chanceux, n'est-ce pas, d'avoir eu un bon club devant lui, mais cette année, il ne sera pas dans le top 5, certain. Chris, l'année passée, il n'y avait pas une grosse défense. Il a manqué le temps un bon bout. La défense des Penguins n'est pas forte. Non, elle est dégueulasse, sa défense. On venait au match des Rangers. Moi, je suis venu deux fois dans le game. Premièrement, c'était... Non, c'est vrai. Solide, en plus. Je capotais, j'étais dans mon salon. Genre, littéralement. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Il avait pris du Viagra Herbal en... Ah ouais, j'étais en esthétique. Ça, puis du crack, là, c'est magique. T'as une grosse érection aussi. Ah, Dave, it's like coming. It's like coming all the time. Ouais. Que j'allais dans le sandbox. Le premier bout, c'était... Je l'avais pris à la jasette, ça. Le premier bout, c'était quand Price a ramassé Crowder en arrière du net. Ah oh, oui! Ça, c'était malade. C'est une petite victoire personnelle. Song live, coup d'épaule. Oh, t'as vu le song live? C'est moi qui l'ai mis dans sur Facebook. C'était malade, puis le jeu... J'ai même pas vu sur le coup quand c'est arrivé. Non, parce que ça s'est passé genre en dehors du jeu. Puis l'autre move, c'était le one-timer Rick Nash qui lance avec Price, il se garoche le puck. Hey, là, je capote. L'arrêt comme tu fais souvent. Il y a un speech puis il rebondit. C'est sa signature. Mais ça, dans l'entrevue après ça, il dit « Ah, je savais pas c'était qui. » Mais Chris, il le regarde après à la tête. Puis tu sais, quand tu le regardais, tu savais pas si tu savais pas c'était qui. Ça va naître, c'était qui. I don't know. Ouais, mais il savait pas que Crider s'en venait. Parce que tu vois, il doit entendre des skates s'en venir. Il va se crêper, puis il savait, il check. Il y a un petit bon réflexe. Il se lève la tête, puis il check ce qui arrive. Puis là, il dit « Boom, man! » Il n'a même pas bougé. Wow. Hey, man, sur Facebook, là, pour le reste, je sais pas, mettons de score, tout ça, man. Les fans des Rangers, chialaient, man. Ça devrait être une punition. Qui mange la merde, les fans des Rangers? Punition sur quoi, je le contact. Est-ce que lui, dans son crease, man? Il n'est pas dans son crease, mais il n'y a pas besoin de se tasser. Non, mais je dis, il est dans le diamond. Non, il peut rester son espace. C'est son espace. Il doit être là. Lui, il arrive dedans. En même temps, il n'a pas été le chercher. Non, non. Il est arrivé. Il a forcé dedans, puis Price, il a Vraiment, les fans des Rangers, c'est une gang de fillettes, tabarnak. Elle nous traite de fifi, puis nous autres, on traite de fifi. Mange la merde. Tout le monde dit tout des fifi. C'est ça, puis. Exactement. Ah, ben, Colin. Ils ont tout le temps une excuse, Crider. C'est parce que là, il s'est fait trébucher, c'est pour ça qu'il rentre dans le goal. Pas que Poutine rentre dans le débat, il va tuer tout le monde. Fuck you. Bombardé. Excusez, j'ajoutais les volumes. Ouais. Alors, allons-y. Ouais, on va dans le prochain sujet. Ben, on va faire nos plus et nos moins. On n'aura pas beaucoup de moins, j'ai l'impression, mais allons-y que nos plus. Tiens, vas-y donc, Dave, tu t'entends-tu là, quand tu parles? Moi, je m'entends. Là. Okay. OK, vas-y que ton plus des cinq premières games. Mon ouais, plus, Asti, honnêtement, là, le jeu collectif. La symbiose de l'équipe. Les grands mots. Non, mais. T'as le droit de faire ça. Je trouve que juste un joueur. L'équipe, l'équipe joue généralement très bien. Chaque personne, on dirait, on est à 5 games, on s'entend. Là. Chaque personne connaît son rôle. Chaque personne joue son rôle. Puis il joue, je trouve, tout bien. Tu sais, je veux dire, honnêtement, j'ai pas un moins à donner à une personne. Je pense que tout le monde a bien joué. C'est sûr qu'il y a du un monde qui sort plus, du lot. Là. Hein? On a des plus, c'est ça? Pas ton moins. Je dis, c'est sûr qu'il y en a des plus qui vont sortir du lot. Tu sais, je veux dire, Pacioretty, Price, c'est des classiques. Tu pourrais tout le temps dire les classiques. Ben, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je vais dire justement le jeu c'est collectif. Mitchell, Flynn, ben, honnêtement, DSP, là, Fleischmann, puis Dernay, là. Dernay hier. Il y a peut-être c'est probablement sa meilleure game qu'il a joué depuis. Il a joué 11 minutes et demie. Puis il n'a pas joué gros, puis il a une de ses meilleures games qu'il a joué depuis un hostie de bout hier. Puis je pense que je donnerais une mention honorable, mais le jeu dans l'ensemble, je trouve que l'équipe, le Canadien on peut pas chialer bien, sur l'équipe. Là. Non, fait que je vais dire, on est 5-0, puis je vais dire mon plus, c'est l'équipe dans l'ensemble pour le jeu collectif et la symbiose qui règne au sein de l'équipe. Ça, c'est tout à cause du coach. T'attendrais pas ça à TVA, certain. Non, ben non. Non, TVA, il dirait la symbiose de l'équipe du Canadien à TVA Sport. Ils vont faire ça, la saison. Avec mes pantalons qui sont lettres à TV. Vas-y donc ton plus, Mart. Même si t'as de la misère à trouver des points positifs dans le début de saison, je le sais bien. Là. Fais ça vite. Il t'en crise depuis que quelqu'un a signé. Là. Bon, plus. La signature de Plecky. Eh oui, Marc Bergevin pour sa signature de Plecanet. C'est le plus à Alexandre qui n'est pas là d'ailleurs. C'est le plus à Bergevin bon, pour sa signature. Mon really? Ouais, c'est ce que me disais. Ok, c'est bon, je vais y aller. Sérieusement, moi je dirais que j'aime bien les passes de Mongol que Markov il fait encore là. Pour vrai là, ça c'est juste ce gars-là il est comme trop malade là, sur ses passes. Le patin j'ai peur qu'il manque là, à la fin de la saison. Ah ben là. Tu le vois qu'il a ralenti. Le mastermind mais... man, là, c'est comme wow, c'est la fin de l'année que ça. Il a encore sa place. Il est très ça, il est intelligent, il sait qu'il a ralenti. Il a jamais frappé ce gars-là. Il a encore sa place mais je veux dire c'est comme un joueur d'échecs là, qui est tout le temps comme trois coups d'avance, il sait mais ses passes sont juste comme Mongol. Hier là, il y a eu deux trois fois qu'il a monté pour appuyer la puis ça a donné des occasions de marquer à chaque fois. Là, un vieux renard. Tu sais comment ouvrir le jeu. Un vieux renard. Hey, t'as bien dit, mais, Jeff. Des Russes. Mais, puis... C'est bon, c'était fort. Laissons voir des slow un peu. Mais sérieusement, j'ai... j'ai mis des images, tu sais ça. Plus facile que des carrés rouges. Ouais, c'est ça. Les astuces de carrés rouges, je ne prends pas là-dessus, les carrés rouges. Ça, non. C'est visuel. Ah, OK, ça. Puis j'aimerais juste un autre plus aussi. Ouais, mais non, mais t'as un peu, c'est vraiment droit. Short. Ah, là. Droit. Mais sérieusement, depuis là, qu'il y a comme 300, depuis qu'on a réparti les 300 avec Galchenyuk, tout ça, c'est-tu que je trouve qu'on a comme un offense qui est comme plus évolué, plus ouais, comme mieux réparti. Coche de on a plus fait un club à 4 trios. On a plus d'options. Oui, c'est ça. Là, on a quand même les trois trios peuvent compter. Dernier, il est où ce qu'il devrait être dans ouais, le fond. C'est ça, il est exact. Troisième il est capable d'alimenter ses alliés. Il y a deux gros alliés. C'est ça qui est cool. Puis le trio de Galchenyuk, moi je capote parce que Galchenyuk, je dis, je le trouve vraiment comme très créatif. Il est là où ce que je l'imaginais. Il progresse. Je vois juste de la progression pour lui. Puis notre def, ben Chris, c'est malade, man. Top of the league. Ah, on a, ouais, vraiment, là, on a une des meilleures défenses de la ligue, si c'est pas la meilleure, man. Ouais. Ben, peut-être pas la meilleure, Nashville, ils sont encore solides en tabarnak, puis t'es encore des clubs de l'Ouest. En tout cas, dans l'Est, on est probablement dans la plus solide défense. Ben, belle. L'Est, je veux dire, franchement, pas beaucoup de teams. On a du Chris de beau stock. Puis même, on a meilleur goaler. Je vais rajouter de quoi, Mart, avant de passer à GF. Ben, j'ai pas dit mon moins, par exemple. Non, on est pas après le moins. Mais je vais rajouter de quoi? Emeline. Ouais, il est bon, à part qu'il n'a pas fait de mise en échec hier, puis il y a une coupe de game, j'aurais aimé peut-être le voir plaquer plus. Il joue bien. Il est pas pire. Il se fait pas prendre. Son check contre Pittsburgh. Ouais, mais ça paraît qu'il est avec Petrie. Il y a une chimie entre ces deux gars-là. Il joue quelle position, là? 4-5? Non. C'est deuxième paire. Deuxième paire. Ah, 3-4, ouais. Ouais. C'est sa place. Ouais, avec Petri. Puis 4-5, ça se peut pas, là. Ah, je lâchais des chiffres. 10-12, c'est le powerplay. Ouais, mais Emeline, la game contre Pittsburgh, il a fini quand même avec 7 body checks. Puis, Non. Pittsburgh, il avait. Il a frappé. Il y a une confiance qui se bâtit avec ce gars-là. Non, mais hier, contre les Rangers, c'était tellement la vitesse, puis tout. Il a été. À date, là, je dirais qu'Emeline, il a été quand même. Ouais, il est quand même. Hey, on a du beau à dire. Dis ton plus, GF. Vas-y, GF, ouais. Ben, moi, je vous donne mon plus à Marc Bergevin. Comme mon vrai. Puis la raison est bien simple. Puis je m'excuse ce soir, j'ai été dur envers Hier, Marc. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Marc Bergevin, il avait un plan qui est venu à Montréal. Puis je trouve que cette année. Canal, là, tu parles? Non, il y avait juste un plan. Ah, ok. Puis je trouve qu'aujourd'hui, là, son plan, il est là. Là. Ouais, il ressort tranquillement. Le coach le plus stylé de la ligue. Là. Premièrement, là, c'est un gros c'est un gros mea culpa que tu fais là. Non? Oui, parce que dans le fond, on a enfin trois trios offensifs. Un soir, c'est le trio Plekanec qui va produire. L'autre soir, c'est le l'année passée. Même. Après ça, ça va être le trio Dernais. Puis tu as un quatrième trio qui serait facilement un troisième trio dans un autre club dans la ligue. C'est incroyable. Puis nos défenseurs sont vraiment là, solides, comme vous l'avez dit. Puis j'aimerais en profiter. Profiter aussi pour call out mon meilleur ami. Tu fais un call out? Oui. Qui? C'est fort. Quentin, tabarnak, tout, puis ta face de collectionneur de thème sale, là. Tu disais que Montréal n'a rien fait cet été. Chris, il a signé Petrie, il a signé Semin, il a signé Fleischmann, il a fait des trades, il a bâti un club gagnant. Ferme ta gueule, Colis! On s'en sac de ton commentaire. Retourne dans le devoir. Essaye donc, c'est bon, là. Fais un call-out plus proche, là, voir. OK, là, je te pointe du doigt encore. Ça marche-tu, là? Tu peux call-out partout les caméras de GF, là, cette année. Bon, ben, c'est comme l'air de jeu, ici, là. Prochaine période, j'en call un autre. Mais Quentin, ta gueule, c'tu... Oh, il lance le doigt à la Bautista. OK. This is not fucking baseball. T'avais-tu fini ton, oui, ton j'ai point? Faisons, Alex, ton à part plus. Tout ce qu'on vient de nommer, moi, pour de vrai, il vient-tu vraiment te caler comme un collectionneur d'attente? Ouais, Quentin. C'est vrai que Quentin a joué des amateurs de perdus. Oui. Avec ta face de collectionneur d'attente. J'ai pas entendu. J'aimerais ça que tu dises philatéliste la prochaine fois. J'aime pas ce que ça veut dire, mais je regarde dans le dictionnaire. Collectionneur de teintes. Je l'aurais mis le thème des aventures de thème perdu sur mon soundboard. Comme mon oncle, il est fou. C'est mauvais en plus. C'est super bon, ça. On aimait ça comme traduction de mal. Ouais, c'est traduit comme le cul, mais le 1 est quand même correct. Avec le genre de borichin, il est du doudjiridou, le beurre. Du doudjiridou. Sérieux, un peu de sérieux, là. Vas-y donc, Alex. Moi, en plus, je vais donner à un gars qui a connu un camp assez normal, mais qui vraiment, je trouve qu'il patine bien cette année. Je vais le donner à DSP. Oh, yeah. Devante Smith-Belly. Good call, man. Ouais, pour de vrai, Chris, je veux dire, entre lui puis. Ça paraît qu'il a perdu un peu de sa Smith-Belly. Ouais, puis Chris, il patine, man, puis il s'implique. Il a slacké ses large burgers. C'est sa place, ouais. Il y a le quatrième trio, puis à chaque fois qu'il est là, man, il y a quelque chose qui se passe. Il est en avant du net. Il a eu des chances. Il a même remplacé Semin hier quand il a été benché. Ouais. Parce que Semin a fait une coupe d'erreurs. À chaque game, Semin il se fait bencher une coupe de chiffres. Ouais. Puis après ça, leur spark. Ouais. Parce qu'on dirait que quand Michel voit que tu descends, après c'est... Parce qu'il a l'air d'un un lazy ass. En coachant de même, je pense qu'il garde sur le qui-vive. Ouais, mais encore comme qu'on dit, Semin à 1.5 ou 1.1, ça amasse. Chris garde. Les jeux qu'il fait, man, après ça, quand il est venu en troisième période. Ça lui donnait d'abord et de l'autre. Mais quand il est revenu après qu'il s'est fait bencher, il a bien joué en tabarnak. Il a préparé des beaux jeux. Lundquist a sauvé. On s'entend que Semin à 1.1, c'est mieux qu'un coup de patin dans la face. C'est mieux que Parento. Je le donne à DSP. Parento, que je pense le même salaire que Semin. Ah ouais? Ben, je suis pas surpris. T'as dit ça? Il s'est fait couper les cheveux? Ouais, on va en parler en troisième de ça. Oh my god. Je me retiens. Ouais, vas-y donc, GF. Je vais donner mon plus à Fleischmann, moi, parce que je m'attendais pas à ça de lui à date. Hashtag margarine. Yep. Ou Flash. Flash, ouais. C'est ça, c'est Flashman. Flashman. Non, j'aime mieux hashtag margarine, c'est mieux. C'est plus original. C'est nous autres. Mais non, c'est comme j'ai dans le chat hier. Est-ce que c'est notre Dale Weiss de l'année? Alex dit non, Dale Weiss a trop de cœur. Mm-hmm. Alors on vous invite les fans cette année à tweeter hashtag cœur de Louise. Avec un nouveau hashtag, c'est les cœur de Louise. Avec un S dans Louise, parce que c'est Dale Weiss. Oh, c'est Dale Weiss. Bon, Mart va faire un dégât. Mart va tout péter. Oui, voilà. Je check ma tablette. Il check sa tablette, je te comprends. Fait que là, on va faire. Ben, on va essayer de trouver des moins. Fait que vas-y, Dave, avec ton moins. Mon moins, calvaire. Je pense que mon moins là, va faire l'unanimité. Ah ouais, là, c'est le powerplay. Je pense que moi, tout, c'est mon moins. Je vais le dire tout de suite. Moi, c'est power ça. Play. Parce qu'honnêtement, pour le jeu collectif en tant que tel, je pense pas qu'on peut chialer. Il n'y a pas vraiment de joueur qu'on peut chialer vraiment. Tu sais, lui, il a été vraiment une style de marde, train de savate ou whatever. Mais le powerplay. Hier, on a eu des powerplays comme ça se peut pas. Puis on les gâchait en prenant une pénalité. Ouais. Vraiment, pendant la pré-saison, là, quand Jean-Jacques Dagnon avait pris quand ils l'ont changé, ben, quand lui il a pris la responsabilité, 2 en 21. Ouais, parce qu'on avait 2 en 16 hier avant la game. C'est vraiment des gros problèmes. Quand en match pré-saison, on voyait un espoir, man. Il commençait à tourner à puck, à descendre, puis il gardait juste un défenseur en bas, puis il se passait tout le temps. Là, la saison commence, on recommence à le même faire. On joue juste sur un bord, puis le piqué s'en va du côté gauche. Puis il attend la shot. Il cherche juste. Tout le temps, les trois gars du droit, puis il essaie juste de crisser à Subban, puis le one-timer. Je pense qu'on a Subban ce qu'il faut. Ça marche pas. Essaie de switcher de bord. Ça va prendre un petit peu de temps. Il fait tout le temps ça. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour travailler autour. Mais oui, descendre à puck basse. C'est descendre la puck basse, mais c'est qu'un avant se décide à prendre juste une petite shot à terre, même si il pad, que quelqu'un prend un rebound. Dick, ouais, man, mais c'est ça, c'est il y a personne qui prend un rebound. Ils perdent tout le temps à puck, man. Les batailles sur le bord de la rampe, ils perdent tout le temps parce que tout le monde, ils savent aussi que la puck va aller. Fait que le joueur de l'autre équipe est là en premier. Mais je pense que la dernière fois qu'on a eu un power play qui marchait, pour vrai, là. C'est parce qu'on n'a pas un joueur qui est comme un hostie de puissance, comme genre, ben pas une puissance, mais tu sais, quand on avait là, Kovalev à Montréal, là, Kovalev faisait comme le mieux. Il se stickait sur le bord de la bande, OK? Ouais. Puis il n'y a personne qui osait aller jumper dessus parce qu'il savait que cette personne-là, s'il allait comme vouloir y enlever à puck, il allait se faire shifter, puis ça allait créer une ouverture, soit pour un shot pour lui ou pour une passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, dans le temps qu'on avait le mieux, c'était la même affaire. Il se tenait genre sur le bord de la bande. Parce que lui, c'est comme il contrôlait le jeu. Il contrôlait le jeu du bord de la bande, pas loin du net, là, tout ça. Là, on n'a pas ce joueur-là qui est capable que les mains de faire ça. Passer au défenseur pour un one-timer, c'est correct. C'est juste que la façon de le faire, c'est faut que tu fasses descendre, les gars. Faut que tu joues dans le fond de la zone pour que les gars descendent. Le one-timer, il se passe juste entre les deux defs. Faut pas que ça soit ton. Tu passes en bas de la zone. Mais il y a que ce soit la finalité de ton power play tout le temps non plus ce jeu-là. On dirait que c'est le même jeu qu'il va aller chercher tout le temps. Là. Ben, on dirait qu'ils ont pas mal toutes les équipes le font. C'est juste que les gars, les attaquants, ils contrôlent la rondelle pour faire justement descendre toute la boîte. Puis après ça, ils passent en haut, puis là, ça choue. Puis après ça, tu essaies d'avoir un rebound. Ouais. Mais là, ils sont pas capables de faire descendre la boîte. Ah, Chris Subban, plus souvent qu'autrement, il va tirer sur un joueur adverse. Ouais. Il n'y a même pas de colonne de tir ouverte. Ils sont pas capables d'ouvrir les lignes. Il n'y a pas de ligne de tir. Ils font pas bouger, Subban, là. Toi, Raymond. Sexy. Non, mais c'est parce que niveau son, Alex. Hey, sérieusement, là, on aurait juste. Ça, c'est niaiseux, mais on aurait juste comme exemple. Jagger à Montréal, là, notre power play, il raiserait, man. Juste Jagger avec sa molette. Même, là, pour vrai, là. Ouais, mais là. Exemple. Non, exemple. Je te dis exemple. Parce que pour de vrai, ces gars-là que tu devrais me parler, ce serait pas avec Galchenyuk, Simmons devrait être capable. Tu sais, des bons stick handlers. Galchenyuk devrait avoir ça. Tu sais, est capable. Je pense qu'on a dans notre alignement. Mais Galchenyuk, c'est le seul. C'est les meilleures mains à l'avant. Ben, c'est ça. Ça serait ce gars-là. Parce que Pacioretty, c'est pas un stick handler, dans le fond. C'est un gars qui a une crise de bonne shot. Mais c'est. That's it, là. Ben, Darnay, il est capable de faire un crise de bonne job sur le stick en bas. Oui, en bas. Ça passe. En arrière du net, puis dans le coin, il est super bon, Darnay, pour ça. Après ça, c'est Pacioretty qui est sur le côté. Puis après ça, c'est Markov, Subban, puis. Mécanique. Mais quelqu'un qui est capable. Mécanique, il est pas mauvais non plus. Mais Darnay, le Chris, s'il tirait plus, peut-être qu'il serait capable d'en rentrer plus. Ouais, mais c'est pas sa job de shooter pendant le power. Ouais, mais il devrait. Besoin que ton moins, Mart. As-tu un autre moins que le power? Mon moins, moi, ça va. Je le donne à Tom Gilbert. Arrête, il a bien joué. Non, moi, Tom Gilbert, il est pas mauvais, il est pas bon. Tasse-moi ça. Puis non, il est correct. Il est vraiment pas super. Non, moi, j'adore. Chris, t'as-tu vu quand il a compté en prolongation? C'était cool, ça. Je préfère en prolongation. Moi, je préfère avoir Patterson dans l'alignement. Je trouve pas qu'on a besoin de hit pour l'instant. Ah, si on passe pareil. Yes, sir. Jet, t'as-tu un moins? Ben, comme Mart, moi, je trouve que Gilbert fait des erreurs sans la rondelle en plus. Puis Patterson, je pense qu'il fait un meilleur job que lui. Mauvais sans la rondelle. Il est chanceux à Chris de jouer avec Beaulieu, par exemple. Il est chanceux en tabarnak parce que ça le fait bien pareil. Fait que dans le fond, on a comme. Je pense que des fois, Gilbert fait bien pareil Beaulieu, selon moi, mais en tout cas. Non, c'est une illusion. Parce que Beaulieu fait des erreurs encore de jeu. Ça paraît, c'est flagrant. Ouais, mais Beaulieu a pas mal plus de. Il y a plus de potentiel. Potentiel, ça veut pas dire du talent. Gilbert est top. Gilbert, correct, man. Il y a plein de défenseurs qui prennent. Il y a un problème de décision avec la porte. Honnêtement, tu donnes Gilbert comme sixième défenseur. Je le prends. Je trouve qu'il est vraiment correct. Ah, c'est bon. Je te le donne. C'est ça qu'il fait. je te le donnerais. Hier, dans l'avant-match, ils ont, trop ils ont montré des highlights de chaque joueur, genre leur meilleur moment. Là, le bout de Gilbert devait être courant à Chris. Hey, Gilbert, là, pourrait être, genre, les Islanders, ils auraient pu aller le chercher. Vous, il y avait une rumeur qui pourrait. Les Islanders, ils l'avaient Gilbert. Ouais, parce que est-ce qu'il s'est blessé là-bas, là? Wisniewski? Ouais, je pense que ouais. Puis oui, après, il joue pour la Caroline. Ouais, Caroline. Ça, je veux dire. Fait que, il s'est blessé. Fait que là, les rumeurs, c'est qu'il a envoyé Gilbert là pour jouer sur le power play parce qu'il a des qualités offensives. Tu sais, il y a bien des équipes qui le prendraient pour être dans le top 3, Gilbert là. Ben ouais, mais ça, c'est des rumeurs par des petits gros ouais, okay, qui travaillent chez... On peut chialer ces journalistes tout le temps. Mais là, sérieusement. Pas, genre des Hockey 30 puis des DLC, des Gilbert, taux de cul. Ben, il y a des équipes qui allaient chercher Gilbert juste pour avoir un petit peu plus d'offense. Dans ton top 3, t'as fuck ben, il y a des équipes qui l'auraient. Hey, man, la défense à Boston, Gilbert serait dans le top 3. T'es malade. Ouais, pis d'autres. C'est sûr qu'il serait pas essayé. Chris. Ben, t'as Torrey Krug, t'as Seidenberg. Il est blessé. Blessé. Chara. Les deux sont blessés. Il vient de revenir. Premier game de Chara, deux passes. Là, t'as Miller, man. T'as des gars que je connais même pas. Ah, mais là, Boston, tu tapes une équipe à terre. Ah, mais je te dis juste que dans certaines équipes, Gilbert, tu serais pas sixième défenseur. Ouais, mais Gilbert, là, dans les faits, là, c'est un sixième. Dans une bonne équipe, il serait pas sixième défenseur. Dans certaines équipes, il serait pas sixième défenseur. Ouais, mais dans cette équipe-là, ça serait une équipe de merde. Ok, mais là, regarde. En résumé, nos moins collectifs, c'est le power play puis Gilbert, ça a l'air. Ouais. Ah ben là. Fait que ça fait la fin de la première période. On va aller en pause écouter encore des beaux petits vidéos de replay. Là, j'ai mis pour Martin le premier but de Eiko dans la Ligue nationale en début de top. C'est mon boy, hein, Chris. C'est ce que j'allais. Fait qu'on vous invite à aller sur notre YouTube, la soirée du podcast. Checkez ça, on met des... Le premier but de la Ligue de... Ça, c'est mon boy. Fait qu'on va faire une pause et on va revenir pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Chris? C'est plate, tu peux pas, fois, tu peux pas dire genre okay, crève Steve Jobs. Fais juste recommencer. Mais non, je vais le laisser là, ça va être dans le live. Dis, tu payes, puis on est retour pour la deuxième période. Ah, c'est ça. Là, il va partir comme du monde, puis il va passer par-dessus moi qui parle. Bon, là, on va redire encore cette expression, il y a un éléphant dans la pièce aujourd'hui. On va parler de Zach Cashin, parce qu'on a comme pas le choix d'en parler. Quel plaisir. De quoi il y a un éléphant dans la pièce? Je connais ça au premier podcast avec mon frère qui parlait de Plicanet, puis il disait, il y a comme un éléphant dans la pièce, là. C'est juste pour ramener des expressions. C'est bien juste à cause de moi, cette petite affaire-là. Là. M'excuse tout le monde. Là, pour peu importe, c'est la faute à qui. Bon, fait que Cashin qui n'a pas commencé la saison à Montréal pour avoir foncé dans un arbre avec son auto. C'est pas lui. Là. Bon, c'est pas dans lui. Non, non. Fait que pour résumer, 6h le matin, fonce dans un arbre avec son char. C'est pas lui qui conduit, il est avec deux filles, il est en petite short à l'automne. Avec un chandail de Tu fais vraiment ça là, comme une émission, genre. C'est enquête. Un tueur si proche. C'est Claude Poirier ici, là. Moi, là, c'est pas lui qui conduit. Il y a eu un individu qui est venu, qui a foncé dans un arbre, bzzz. Ouais. Fuck y'all! Fuck y'all! Fait que, c'est sûr qu'on dise là-dessus. Ben là, il est en train de faire. On peut clairement dire que c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est on peut aussi dire qu'il y a des hosties de bonnes mains, ça a l'air, puis des grosses narines aussi. Ouais, ouais. Parce que là, il dedans, man. Il a des intox avec une craque dedans. Il n'est pas sur le salaire de l'équipe. Non. Ne fera probablement pas l'équipe cette année, malgré ce que Jeff pense. Et puis. Il va nous faire 30 buts! Écoute, moi, je peux t'engager, moi. Faudrait que ça aille mal en tabarnak. Faudrait qu'on ait un esti de slam solide pour qu'il soit réintégré. Puis que Paul Byron, ben ça marche pas. Ils vont ramener Paul Byron avant, esti, puis tout. Puis ça, juste en allant le chercher, c'est comme, il avait dit comme fuck off. Hey, Paul Byron, là, by the way, là, je veux juste dire... On va parler après, on va parler après. Cashin, là, honnêtement, j'espère que son chat est mort parce que... Regarde, il l'a eu. Son chat? Il l'a eu. Hein? Il a eu sa chambre. Il a eu sa chambre. Puis Montréal, ça sera pas la place pour ce gars-là. L'expression, c'est pas son chat est mort. On voit que son chien est mort, puis son chat est mort. Ouais, son chat, les deux sont morts. Lui, il serait bon, genre. J'espère que son petit crise de cochon d'Inde est mort. Dave, il trippe félin. J'espère que ces deux poissons rouges, Néal et Bulton, sont décédés. Ouais. T'sais. Ben moi les gars là, j'ai comme pitié pour le joueur. Moi j'espère que l'équipe se respecte puis qu'on la ramènera pas. Non, non, moi je suis comme moi je parle pour l'underdog, j'ai comme la peine pour le c'est pas un underdog ce gars là. Oui parce que tout le monde bâche dessus. Tout le monde comme tu sais les journalistes ils disent tout est un trou de cul, tu seras pas l'équipe papa, tu sais. Ben Chris, c'est de sa faute à lui, il n'y a personne d'autre à blâmer. Je souhaite... Il y a juste lui à blâmer. Oui, ça c'est vrai. Puis je souhaite il y a tellement de marches hautes à monter, puis j'espère qu'il va monter, Chris, puis il va montrer à tout le monde qu'ils ont eu tort. Ouais, mais il ne fera pas ça à Montréal. Hey, la marche, moi, là, s'il va à monter, oui. Là, il est mieux de monter l'oratoire en sacrement. Il ne fera pas ça à Montréal, mais les gars ne vont pas à Montréal. C'est un joueur, esti, quand il jouait dans les, genre, des mineurs, il y avait genre des pénalités, genre 100 quelques minutes de pénalité par saison. C'était extra. On regrette-tu les gens? Oui, parce qu'il fait pas mal. Il dominait. Il dominait quoi? Il dominait d'un point. C'est un power forward, esti. C'est un power forward. Mais il y en a combien des power forward quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale qui sont devenus des joueurs physiques? Puis quatrième trio, troisième trio, trio. Il y a le potentiel de ça. Dépend toujours du vouloir du gars. Potentiel, moi, j'en doute, mais bon. Non, non, il y a des bonnes mains, je vous le dis. Ce gars-là, là, je suis prêt à mettre 20$. Non, mais pour vrai, pour 20 vrai... qu'il va revenir jouer à Montréal cette année. Non. Non, ouais. Mais pour vrai, ses skills hockey sont quand même. Non. Popés. Ils sont meilleurs que Prost. Non, il y a des bons skills pour un 3. Ouais, mais là, tabarnak. Meilleur que Prost, je veux dire. Mais tu sais, c'est le meilleur joueur d'hockey que Prost. J'ai aucun doute là-dessus. J'adorerais Prost, mais j'aime quand même mieux Prost dans mon équipe que Cation. Dans un marché comme Montréal. Je ne pense pas. Dans un marché comme Montréal, il ne reviendra pas. Non, trop de distractions. Non, mais c'est parce que la fin de Cation. Ils vont venir, ils vont juste poser des questions. Comment tu te sens? Puis t'es-tu mieux? Puis tous les journalistes vont là-dessus. Puis comment tu vas checker partout? L'affaire avec Cation, c'est que c'est dommage que ça soit pas ça de même. Parce qu'il aurait peut-être pu avoir une chance. C'est pas dommage parce que c'est sa faute. Ouais, il a eu sa chance. Non, mais c'est plate. Non, mais je dis que c'est plate pour nous autres. En tant que personne qui attend comme le joueur d'hockey, c'est ah fuck, ça aurait été cool là, si peut-être. Mais tu sais, on lui a donné sa chance, ouais. Il a scrappé sa chance avant que la saison puis commence. Marc Bergevin, ouais, ils sont tous assis c'est avec. Que ça arrive puis là, ouais. Que ça arrive pendant la saison. Ça aurait fait c'est quoi la différence? Parce que c'est Bergevin qui a la saison, ça aurait fait une distraction aussi par rapport là. Dans le fond, il y a comme eu 4-5 jours avant que la première game commence. Fait que ça a comme passé. Justement, Bergevin a fait des commentaires en conférence de presse par rapport à cette histoire-là. Fait que j'ai des extraits audio de Bergevin. Mais attends, tu peux juste avant. Les joueurs l'auraient su. Attends un peu, toi. Ça cause ils ont pacing, eux autres. Non, mais t'as peu. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, puis Bergevin, puis l'équipe, c'est qu'au moins, l'équipe, il envoie comme le signal que, gars, déjà, ce petit cabochon, on a tradé un parce qu'on trouvait que ça faisait trop le party. Puis nous autres, cette année, là, on veut avoir une équipe sérieuse. La coupe. Fait que des affaires de party, puis cracher comme un pick-up d'un arbre, on en veut fuck all de ça. Fait que c'est comme. Fuck ah, mais ça a l'air, le pire, ça a l'air que Prost était sur le party, mais au moins, t'en entendais pas parler. Ouais. Mais c'est ça, Jeff, si ça serait arrivé là, dans le milieu joueurs, de la saison, peut-être, mais tous les joueurs l'auraient fait. Faisaient pas de marde. Si ça serait arrivé dans le milieu de la saison, tous les joueurs l'auraient vu faire. Ah, si c'était arrivé dans le milieu de la saison, tous les joueurs l'auraient vu faire de la coke, ou whatever, de la drogue, puis être fucké. Ça aurait dérangé les joueurs, veut pas n'importe quel. Alex, il parle de coco, là. La poudre. Bon, j'ai manqué mon coup. Il score pas, ok, chien sa poudre. Anyway, gars, on va voir, le temps va nous dire. Ouais, ouais. Chris, le temps ou. Ouais. Qu'est-ce que Bergevin disait? Bergevin, il s'est fait demander si le coq à chien allait lui au leadership dans la chambre. J'ai comme pas trop compris cette question-là, mais voici sa réponse. Clairement, que ça, t'as dit. Le coq à chien. Le coq à chien. Ça, c'est bon, honesty. Voyons, Sty. Le Kardashian. Le coq à chien, un coq à chien. Un coq à chien. Une fois, comme tu as mentionné, c'est arrivé une fois depuis mon arrivée à Montréal. Puis. C'est jamais un bon temps pour ces choses-là arrivent, mais écoute, si tu aurais à choisir un temps, c'est avant la saison régulière. Alors, nous, le focus de l'équipe de Michel Therrien, c'est d'être prêt pour le match d'ouverture mercredi à Toronto. Alors, puis je peux pas tenir les joueurs, l'équipe responsable d'un individu. Alors, encore là, les gens n'ont pas tout rentré, mais je crois au leadership de l'équipe, oui, encore, définitivement, ça n'a aucun rapport avec ça. Mallette est bandé Bergevin. Il bouille dans ses paroles. Imaginez ça, un souper avec Claude Poirier puis Bergevin, un individu. Ah, mais c'est sûr qu'il était pour dire ça, c'est bien que ça arrive là. C'est vrai, c'est moins épais, il y a comme une semaine avant une game. Si c'était arrivé pendant le milieu de la game, il t'aurait sorti une belle phrase, des belles paroles. Là, ce qui est arrivé, c'est que... Belle phrase encore là, pas nécessairement bien formulée. Si vous avez lu mon blog... Qui est dans les nuages en ce moment. Qui n'est même pas encore sorti. Si vous l'avez lu dans un affaire qui n'est même pas prêt. Si vous l'avez vu, genre dans un. Moi, je parle à vous autres. Là, vous l'avez peut-être lu. On l'a lu dans un coin de table. Mais ce qui arrive, c'est que là, tous les journalistes, pendant une semaine, ils ont tous voulu avoir un scoop de dire ah oh, oui, t'es arrivé telle affaire. Pauvre gars, hostie. Bon, c'est sûr que c'est grâce qui est arrivé. Imagine s'il revient. S'il revient et réussit, Chris, je ferai un frim. Mais si j'appelle ça Rudy 2.0. Non, mais il va être tout frim. Dessus. C'est pas de la journaliste. Non, Jeff, tu devrais poser tes articles sur Facebook le temps qu'on répare le site pour te mettre un blog dedans, là, au pire. Là, ouais, j'en faire un aux deux semaines si c'est possible. Non, mais toi, c'est pas un. C'est pas de la frim. Faut que tu fasses un blog vidéo. Pas juste écrit. Jeff va faire un vlog. Martin Lemay, c'est-tu. Tu devrais faire un bon chose. Fais du vlogging, Jeff, ça va être pas mal mieux. Non, mais honnêtement. Avec son doigt. Pauvre gars. Expose-toi comme il faut. Je souhaite qu'il va revenir, puis qu'à un moment donné, un de vous autres dit Chris, Zach et Jeune, mais c'est mon plus cette semaine. Ok, ben. J'aimerais ça. Ça arrivera pas, là. Je le souhaite. Je me sens comme le grand frère qui veut aider le petit bonhomme qui a besoin d'aide. Ben, tu sais, hein, les grands frères, souvent, ce qu'ils faisaient. Ben non, mais moi, je savais pas. Les gars, là, je vous dis tout de suite, là, j'aimerais ça être son Alfred. Et plate, mon frère est pas là pour en parler. Je serais pas déçu, je vais lui montrer. Tu as raison, je vais être bien content pour lui. Là, le dernier gars qui a eu une désintox en plein milieu de saison, en début de saison plutôt, c'était avec les Leafs de Toronto, c'était, comment il s'appelait, donc Mark Bell. Un mois après, il est revenu au jeu. Ah, et puis là, Mark Bell, il est rendu où, là? Bon, mais il était sur quoi, Mark Bell, Chris. Il est rendu au Mark Bell, Chris. Il n'y avait pas le potentiel que Cajun avait. C'est ça, Cajun, il est mauvais. Il y a un beau potentiel, puis il y a de quoi à faire avec ça si on le guide dans la bonne direction. Ah, mais là, c'est parce que pour le... Écoute, Golden Glove, Golden Pour le talent, pour le talent. OP, c'est quoi? Cajun va revenir, puis il va avoir le genre... Le feu dans les yeux. Le trophée, genre, de celui qui a fait la plus belle affaire. Non, mais je veux dire, c'est pas un gros talent. Il va aller chercher. C'est pas compliqué, Mart. Cajun, il revient puis il va chercher Lady Bing. Non, c'est pas le Lady Bing. Non, non, c'est le... Lady Bang, il va aller chercher. Hein. Ouais. Non, mais c'est une belle histoire qu'on dit. S'il revient de loin puis qu'il réintègre l'équipe puis les gars l'acceptent, je trouve que ça ferait une belle histoire. Ça arrivera pas. Hey, on nomme des... Moi, je suis caché là. On nomme des trophées par rapport. Il va aller chercher le Jacques Beauchamp. Non, il y a un trophée pour celui là qui revient, genre d'une grosse épreuve de vie. Là. C'est pas genre le trophée Pearson. C'est pas le Masterton. Private Ryan, je sais pas c'est quoi. Ok, ben, anyway, il y a eu une autre question. Non, mais anyway, l'affaire, là, c'est que Cajun, là, s'il revient. C'est débarquement de Normandie, c'est. Ok, on passe à un autre sujet, Mark. Ok, c'est bon. Il y a eu une autre question sur le sujet de Cajun posé à Bergevin. Le journaliste a demandé si Marc était au courant du risque qu'il prenait en allant chercher Cajun. Voici sa réponse par rapport au risque qu'il a pris. Mais écoute, une raison pourquoi un joueur comme ça est disponible, on s'entend? OK. Ça, puis tu prends un risque, mais tu calcules toujours ton risque. Disponible. Okay? Zach Cassian est parvé ici avec un contrat de 8 ans dans les poches, on s'entend? Alors, tu prends un risque, puis écoute, tu donnes la chance au coureur, puis écoute, encore là, je veux pas, il savait pas faire son procès ici parce qu'il y a encore des choses qui n'est pas sorties, mais éventuellement, tu deviens tout le temps responsable de tes actions. Alors, on va voir ce qui va se dérouler, puis on va prendre des bonnes décisions. Ça va tabarnak qui s'en allait. Mais hey, Jeff, j'ai une demande spéciale. Fais juste pour passer le début, s'il te plaît. Mais écoute, il y a une raison pourquoi un joueur comme ça est disponible. On s'entend? OK. Puis tu prends. Merci, Marc. Avec des pauses. Écoute, un joueur comme ça est disponible. Il passe un joueur explosif. Un joueur disponible. Bergevin voulait claquer un home run à la chercher à Cajun parce que si Cajun serait devenu le joueur qui est supposé d'être. Ben, c'est une bonne. Ça aurait été un C'est un bon risque à prendre pour de vrai. Oui, je l'aurais fait. Tu sais, pour de vrai, c'est ça. Encore, mais t'as peu ton home run, il aurait joué à quelle ligne? Il avait explosé à la façon. Moi, je l'aurais vu peut-être sa troisième ligne commencer l'année au début quand ils ont fait le mais là, on s'entend que c'est la troisième. Ouais, ben, si Simon, tu sais, Simon, Fleischman, excusez, il aurait pas. Vraiment performé comme qu'il voudrait, mais il aurait pu prendre ce spot-là. T'aurais pu monter Cajun sur la troisième, quatrième. Anyway, on va faire Mais attends, Cajun, moi, je pense que... Moi, je pense qu'au moyen terme, là, il aurait probablement détourné Pratcheretti. Pratcheretti? Si, il n'aurait pas... C'est tellement des bonnes mains. Sérieusement, moi, je pense que c'est le joueur... Moi, je pense que... C'est sûr qu'il jouera à la place de DSP parce que DSP n'a pas eu un bon camp. Ouais, mais il n'a pas eu un bon camp. DSP, il joue bien, man, il aurait joué sur la 4, Cajun, là. Non. Oh oui, on a commencé aussi, l'année sur la 4. C'est pour ça qu'on a échoué Paul Byron. C'est le troisième trio. Cajun, il n'a pas fait de bon, justement, on va passer à un sujet. Tu parles de Paul Byron. Paul Byron, 5 pieds 5. Excusez, 5 pieds 7. 160 de livres. 169. Non, 175. Je sais pas, il y a un pouce de plus. 2 livres de plus. Oh, c'est 150 livres. Officiellement. 153. Non, 164. C'est qui est lui, Calis? Il vient de où? C'était Calgary. Puis ben, il était repêché par Anaheim, par exemple. Non, il était repêché par Buffalo. Puis dans ce temps-là, c'était l'arrêt carrière. Et chose, le Rick Dudley qui était dans l'administration. Fait que les gars le connaissaient, ils savaient qu'est-ce qu'il y avait entre les mains. C'est un gars qui est bon avec juste la rondelle. Un bâton de hockey. Non, c'est un gars qui est bon. C'est ça. Excessivement rapide. Ouais, c'est ça. Il a fait 30 échappées, il a marqué une fois, mais il est capable de faire la job, dans le fond. Ouais, ça, c'est drôle parce qu'il y a un vidéo sur YouTube. Un bon check. Là, c'est juste, allez voir ça. Paul Byron. Genre, Breakaway. Il manque tout, là, c'est fou. Ouais, faites juste Paul Byron, Breakaway, vous allez en avoir. On l'a pas partagé sur Facebook, ça ou... Peut-être. Ou peut-être. Ah, man, il fait juste comme failé, genre, c'est. Puis il y a une affaire que je trouve bizarre, c'est Renaud Lavoie qui a tweeté ça. Il a dit. Le Paul McKenzie du Québec. S'est fait opérer pour une hernie discale. Aujourd'hui, il peut jouer au centre, à l'aile gauche, à l'aile droite. Il manquait comme un bout dans sa phrase. Genre. C'est comme, mais les Calgary, il est really safe à cause de ça, à cause de sa blessure en tant que telle, parce que ouais, c'est pour ça qu'il allait manquer pas il mal. Il doit penser à ses tweets bilingues. Bah, check l'autre là, qui joue. Ouais, si vous écoutez. Alex, il joue à genre Angry Birds, je sais pas quoi. Man. Je vous écoute, parlez pas. Oh, non, il joue genre à Candy, je sais pas quoi. Candy Crush? Il joue à Boom Beach. Okay. Bon, un autre. Autre signature, Thomas Margarine Fleischmann, 750 000. Good fucking cher, c'est bon, c'est bon. Ça, je suis content, même Michel Therrien était vraiment pendu dessus, man. Il pouvait pas laisser partir. Selon moi, c'est mieux que Cajun comme addition. C'est mieux que Cajun, joue pas. C'est pas le même rôle. À date quoi? Ben, à date, c'est facile à dire, Chris. Eh ouais, mais tabarnak, man. Fleischmann, il a toujours joué sur le troisième trio, puis il a toujours été bon. Il a toujours fait sa job de troisième trio dans n'importe quel équipe. Tu sais ce qu'il va te donner, Cajun, tu le sais pas. C'est ça. Jeff, il vit dans le déni en ce moment. Fleischmann, il n'a jamais mal joué dans une équipe. Il a toujours vraiment, fait sa job. Jeff, là, Mallette veut tellement sauver Cajun. Ah ouais. Oui, je le souhaite. Il va sauver le joueur. Il va se partir. D'après moi, il va se partir à un site bientôt, genre Sauvons Cajun. Ouais. Dave, le poster, le soldat Ryan, il faut mettre la face à Jeff et Cajun dessus. On va le mettre sur Facebook. Saving Private Cajun. Bon, une autre signature, il fallait se garder un peu de temps parce que c'est arrivé aujourd'hui même. Tantôt, Breaking News, Thomas Plekanec, 2 ans, 12 millions de dollars et 500 points en carrière. Yep. Check. Non, là, le monde voulait qu'on se poigne là-dessus. Là, bonne signature. Bonne, pas bonne signature. Vous l'haïssez, vous l'aimez pas. Non, c'est une bonne signature. 2 ans, c'est correct, là. L'affaire que je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas de clause de non-échange. Ça, honnêtement, je suis surpris parce qu'habituellement, il y en a comme tout le temps. Ben, c'est parce qu'ils ont signé un beau contrat qui était changeable, justement. Puis après ça, ils tombent UFC. Échangeable, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres équipes qui ont trouvé un peu cher, mais. À 6 millions pour un gars de main, ça va pas. Non, c'est pas si cher pour un gars. Moi, dans le fond, on le garde pour jusqu'à temps que Galchenyuk soit prêt. Si Galchenyuk est prêt l'année prochaine, mais ça. C'est pour ça qu'il vaut 5 millions l'année prochaine. Mettons, les gars, vous auriez un choix pour le même salaire, là. Auriez-vous pris Ryan O'Reilly ou Thomas Plekanec? Oh, Thomas Plekanec. Si, ouais. O'Reilly. Dans le fond, le prix, le prix est correct. Mais c'est pour ça que je pense que l'année prochaine, il vaut 5 millions. Moi. Si Galchenyuk, cette année, vraiment, il prend sa place de premier centre, l'année prochaine, il vaut 5 millions. Fait qu'il est facile même, à trader. Juste de même, Mallette, as-tu remarqué qu'O'Reilly joue à l'aile à Buffalo? Non, je m'en colle. Puis que, c'est ça. Puis que toi, tu fait que toi, t'écoutes Buffalo. T'écoutes le game de Buffalo. Buffalo contre la Caroline. Puis que Jack Eichel, il joue et tout à l'aile. Pour vrai? Eh oui. Chris, dans le blessement, c'est la coke solide. Qu'est-ce que c'est ça? Chris Coco? Ah, ben Chris, c'est une grosse potion. Ah, ça, c'est le coco violent. J'aurais pas dû mettre celle-là. Non, mais non. Je m'en fous. Ah, les deux jouent à l'aile. T'as bien les sons, quoi. J'ai 3 sons de cocaïne. Alex, t'as manqué le premier podcast. Sérieux, il y a un 3e cocaïne ici. Cocaine. Ah ouais, ça, c'est classique. Cream. Le premier, c'est les anticipateurs. John Tosh, il est au centre à Buffalo. Ah, John Tosh, je pense que c'est ça. Non, c'est encore lisse, là. C'est Buffalo. Ouais. Pas un très non, mais gars, Plekanec. Ben, Buffalo, je trouve cool le team, moi. Sérieusement, c'est hot en Chris. Hein. Avec. En tout cas, voilà. En passant, ouais, il faut faire notre bet, Jeff, en nom. Oui, c'est vrai. Ouais, y a-t-il des paris après oui, en ce moment? Il y a un pari entre moi et Jeff Mallette. Moi et Alex, on avait un bet. Moi, je bet que. Mais quand il me call out la première émission, parce que j'étais pas là, parce que j'étais pussy. Buffalo avec sa chute. Damn rocking right, you did. Avant que vous fassiez votre bet, tout le monde écœure mon frère sur Internet parce qu'il a pas pris ton bet de Cashin. Que le lendemain, il rentre dans l'arbre, genre. Ouais, c'est ça. Mais facile. Ben moi, je vais prendre ton bet, man. Ah ouais? Le bet, c'est que Galchenyuk va finir la saison avec plus de points que Plekanec. Ouais. Moi, je dis que Plekanec, ça finit avec plus de points. Ouais, c'est ça. Et voilà. On a une poignée de main ici. À suivre. Pour 20 $. À suivre. À suivre. En tout cas, moi, JF, là, je me... Je te supporte moralement là-dessus. Mais tu ne l'auras pas. En même temps... Il faut s'entendre que Plekanec, en même temps, là, moi, la moitié du jeu, c'est dans un net ouvert, là. On s'entend là-dessus. Ouais, c'est des points quand même. Ouais, Plekanec avec ses beaux buts, genre, tu sais, genre, flush à ligne rouge là, du goal. Là. Oh, il joue sur le premier powerplay, il joue à piqué. On s'en calait sur le côté pareil, mais... Il y a zéro passe, hein, Plécanette? Ouais, mais cette semaine, il y a 4 buts, mais zéro passe. Mais honnêtement, je vais pencher vers toi pour le bet, parce que je veux que... Moi, tout, je veux Galchenyuk explose. Mais je serais pas surpris que... Plekanec fait ça encore plus. Je serais pas surpris que le contrat est signé que Plekanec a une baisse de régime. Ça, je serais pas surpris parce que je suis habitué à ça. Ça n'a jamais été son genre. Plekanec, là, Plekanec, cette année, il fait 53 points. Entre 53 puis son petit 60 points. Tu peux-tu être un petit peu moins précis? Son petit 53.2. J'aimerais mieux que tu me dises là, un chiffre exact. Un peu, excusez, je l'ai nommé deux 62 fois. 62 points. Cette semaine, j'ai enregistré Rétro Nouveau, puis Dom et Nick ne comprennent pas votre haine de Plekanec. D'ailleurs, il y a Nick qui dit qu'il a fait du bullying de col roulé, que c'est pas correct, right. Ça. C'est le premier centre. Vous aimez juste pas les col roulés. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné à cause du col roulé. Mais je veux dire, de quoi? Non, à cause qu'on n'a pas de premier centre. C'est du bullying de col roulé, tout à fait gratuit. Du bullying? Du bowling. Moi, ce que la raison pour laquelle j'aime pas Plekanec, puis je vais le réexpliquer encore, c'est parce que ça ne prend un centre, un vrai centre numéro 1 à Montréal. Puis Plekanec, c'est pas un vrai centre numéro 1 à Montréal. Non, mais t'as peu, Jeff. Tant que Plekanec va être notre centre numéro 1, on la gagnera pas, la coupe. Ouais, c'est mais pas compliqué. Jeff, sérieusement, dans l'optique que cette année, comment que les lignes sont réparties. Chris, un meilleur goaler, une des meilleures défenses. Ça prend pas juste un centre. Ouais, mais c'est pas Price là qui va escorer les buts, Chris. Pas grave, t'as une bonne attaque. Ça prend pas juste un centre. Mais, faut qu'il gagne la mise au jeu. Il n'y aura jamais assez de défenseurs et moi, je n'aurai jamais assez de buts. Gagne la mise au jeu. Tu dois d'apporter plus que un par game. Les défenseurs maintenant comptent plus que 40% des buts dans la Ligue nationale. Pas que Montréal. Non, non, dans la Ligue nationale. Fait à Montréal, oui. Pas dans la KHL. Pas dans la QHJML. Dans la Ligue nationale. Pas dans les avec le Canadien, je pense qu'il compte plus que 40% des buts. C'est le powerplay. Hey, c'est pas grave. Hey, Alex, c'est pas vrai disant, qu'un premier centre, c'est ton sauveur. Là. Mais non, Plekanec. Non, mais regarde, t'as peu. Je veux juste dire de quoi par rapport à celui que je ne pourrais nommer. Tu l'as déjà dit 15 fois son nom en soi, dude. Un vrai Thomas. Check ça. Pour vrai, je trouve que de la manière que les lignes sont organisées cette année depuis qu'ils ont mis Galchenyuk au centre, là, on a comme trois centres comme plus. Là, ça a de l'allure. Pas besoin. Là, ça a plus ça a de l'allure. Merci à Marc. Plekanec prend... Oups. C'est pas un savon noir. Là, je vais te dire, là, c'est comme... C'est correct. Ça passe mieux comme ça que... On a deux centres. C'est ça. Puis qu'on cherche t'as deux t'as plus besoin autres. Du gros power center. On a trois centres. Parce que Dernier fait une excellente job. T'as 400 Taylor qui joue à l'aile que tu peux Mitchell, mettre au centre. Man, Steve ben, des mises au jeu, ça peut être très bien. Ben, je sais, mais c'est pour ça qu'Aller, il prend les mises au jeu. Quand on est en powerplay ou en piqué, il prend les mises au jeu. En powerplay, quand il est à Galchenyuk, c'est lui qui prend les... Aller, il n'est pas là sur le powerplay, c'est Dernier. Non, il a pris des mises au jeu. Là, je peux dire, avec en tout cas, avec Galchenyuk, ouais. Aller, il a pris des mises en jeu. Mais oui, Aller, il a pris des mises en jeu pour Galchenyuk. Ouais. Pas sur le powerplay. Yeah. C'est Dernier, sur le powerplay, dans la zone offensive, souvent, selon, là, il selon donne dailyfaceoff.com, c'est Dernier qui joue sa deuxième vague de powerplay. Okay. La fin de période Benny Hill. Fait que quand ils sont dans la zone offensive, c'est pas Galchenyuk qui prend la mise au jeu, souvent, ben c'est Heller. Hier, Galchenyuk a une moyenne de 58%. Hier, ok. Mais hier, une game. Quand il y a une mauvaise game, là, c'est Heller qui a battu. On s'en regarde ce Mark, qu'est-ce que t'as à dire? Il est-tu divorcé finalement, Plekanec? Oh fuck! On fait gauler. Mais là, peut-être qu'il a vu que c'est un gros contrat, sa femme va revenir. Tu sais comment est-ce qu'ils sont. Hey, non, elle a pas besoin de ça, c'est une vedette. Là. Who cares? Okay. C'est une vedette. C'est une vedette. C'est des vedettes. Va se des vedettes il de va se pogner une petite jeune. Eh oui, c'est... Ouais, ouais, il est sur Thunder. Non, ouais, c'est ça. Il est sur Thunder. JF l'a pogné l'autre fois, Thunder. Puis il cherche les filles de Glendo. Glendo? Il est sur Grindr. Grindr, la première fois des... Grindr, la Glendo en Arizona. Fait que la période est finie. Il restait deux points. Il restait deux points. Deux points vraiment rapides. Alors, pour la saison, on dit bye à Tokarski et à Barberio. Mon plus de l'année. Ton plus est parti. C'est juste une mention honorable. Barberio. Il était correct. Il était meilleur que Tinordi. C'est tout ça qui a collé Barberio. Non, mais c'est pas un plus. C'est juste qu'il était meilleur que Tinordi. Ah ouais, bon. Il voulait, il voulait juste qu'il y avait eu un bon camp d'entraînement. C'est ça. J'ai donné le plus, mais c'était pas ça vraiment. Ton point. Sérieusement, ça paraît mieux quand tu le dis de même ici. C'est ça. La dernière fois qu'on t'a dit, t'as même pas lui. On n'avait pas de détails. Tu t'es bien justifié, là. Puis Tokarski, ben, ciao. Ah, regarde, lui, je suis content, tabarnak. Sur Tokarski, il y avait comme un autre goaler, son nom, je m'en collais, je ne sais pas c'est qui, là, mais ils ont décidé d'envoyer dans le ECHL pour que Foucalé devienne l'adjoint à Tokarski. Je ne me rappelle pas de son nom. Je ne serais même pas surpris que Foucalé dépasse Tokarski. Ah, ben oui, c'est Pasquale qui ont renvoyé. Pasquale? Pasquale, oui. Pasquale! OK, ça, c'est dans East Coast, man. Oui, la East Coast, West Coast League. Tu parles bien de Jean Pasquale. Je ne sais pas si ça se dit Pasquale, mais ça s'écrit Pasquale. Un esti d'italien. Ou un latin. Pasquale! Pasquale! Pasquale! Puis le dernier point que j'avais, c'est que. C'est soit genre Giovanni Pasquale ou genre Pedro Pasquale. Ciao Mario! Pedro Pasquale! Ciao Mario! Pedro Pasquale! Arrêtez, aussi. Pedro Pasquale! Le dernier point que j'avais pour le Canadien, c'est que le CH. On sait pas c'est quoi dans le fond. Le CH, on va investir 100 millions de dollars pour moderniser le Centre Bell et les alentours du Centre Bell. Ça fait 20 ans, vous savez, qu'il n'y a pas eu de nous. JF a dit qu'il y avait des bancs en cuir cette année. Ouais, tout le monde. Bancs en cuir. Il arrive dans le pit en haut. Ah, c'est ça, tout complet. On sait qu'on a des élections. Des bancs en cuir. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, on fait ça pendant l'été. Puis la raison des bancs en cuir, dans le fond, c'est parce que c'est facile à nettoyer. Ouais, ouais, la bière, puis le vomi, les Ontariens viennent voir les mêmes produits. Mon gars, solide là-dessus. Là. Ben, quand il y a du cuir, peut-être qu'on met le produit spécial que quand il y a du cuir. 21 173 balles. Ils ont traité. Ils ont traité et frotté, mon gars. C'est long en tabarnak. Warmerow. Ben, ça, c'est un placier, justement, qui donne l'information. C'est-tu Louis de. Louis de Ville-Mercier. Ils ont mis du Rain-X pour que l'eau perle. C'est ça, je cherchais comme mot. On en met, c'est cher. Ben, oui, c'est ça. Fait que ça fait la tour de la deuxième période, on va aller faire un attaque. On vient la troisième période, on a une grosse période around the NHL. C'est des bancs en cuir ou en cuivre, t'as dit? En cuivre. On est retour pour la troisième période. Faut vraiment que je parle vite parce que quand il part bien, il part bien. Et c'est le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Lui, il part pas bien. Non. Il est slow, il part même pas pendant tout. Oh! Je comprends pas comment des fois ça marche, des fois ça marche pas en tout cas. Bon, fait que pendant que. Moi je comprends. Ouais. iPad 1. Ouais. Pendant que Martin et Jeff ont une conversation hors micro et hors écouteur, commençons avec des nouvelles de Louis Leblanc qui s'en va dans la KHL. Really? Ciao Louis! Bon, ben bye bye. Ok, il joue pour quelle équipe dans la KHL? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est le locomotive. Hey, Bart, je vais te dire. Ouais, ceux-là qui sont tous morts. Non, ça m'intéresse. Non, moi, c'est le gars qui sort avec un joueur de tennis. Hein? Oui, oui. Et avec Shrek. Alexandre Wozniak. On pourrait peut-être en profiter de parler de Louis Leblanc pour passer un message aux recruteurs et à ceux qui repêchent, là. Les repêchages politiques, ça va faire, là. Ouais, c'est un repêchage politique. Chercher des hosties francophones parce que c'est des francophones, là. Un crowd pleaser. Ouais, fuck off. The supplication. C'est bien dit. Bon, alors, on y va comme ça, là. Fait que, on peut passer du temps. Fait que finalement, ce que ça veut dire, l'affaire de Louis Leblanc, c'est que les repêchages à Montréal, non merci. Voilà. Ben, repêchage à Montréal, repêchage de même. Repêchage à Montréal, oui, mais pas pour faire un choix pour un crowd pleaser. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Mais là, c'est parce que c'était vraiment. Là, on n'a plus ce discours-là de « Ah, il n'y a plus assez de Québécois dans les Canadiens. » Non, ça colle. Ça a vraiment été une mode à un moment donné de dire « Là, on ne gagne pas parce qu'il n'y a pas de Québécois. Bla, » blablabla. Quand j'en vois un dire ça encore, tu vas voir. Yeah. On va voir quoi? Ouais. Surprise. OK. C'était un sacré. Joe Pavelski devient le nouveau capitaine des Sharks. Bravo. Non, mais ouais, c'est vrai. Joe Thornton est rendu assistant. Ah, bon. Tu vois, fait que là, il découle une lettre pour en recoudre une autre. Ouais, correct. Ouais. Tu sais, comme consonne, voyelle. Fait que dans le fond, Marge, c'est vite décousu, mais c'est vite recousu en tabarnak aussi. Bon, ouais, ça switch. D'après moi, ça doit être collé, esti. Chance qu'ils n'ont pas switché. Ça bon, ben, vous voyez, ça doit tenir par la statique. Hey, le gars de la couture, il est fort parce qu'il a plus comme Il frotte ça sur une ballonne, Chris. Il frotte ça sur le chandail. Vous me faites un excellent segue vers le prochain parce qu'on vous avait parlé de décousage de logo C. Ah, je pensais que tu parlerais de ballon. Ben, je peux peut-être ballon si tu veux. Le ballon Charles Lebois. les Oilers qui ont retiré le C à Andrew Ferentz. Chris, no shit. A été décousu. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Lui, ils te l'ont décousu. Lui, c'était pas un choix, c'était comme un lack of choice, man. C'est quoi, il personne, on donne au plus vieux. Ils ont fait un tirage au sort, c'est son nom qui est sorti. Ouais, ils l'ont donné à qui, là, ça? C'est-tu New Jen Dawkins? Là, c'est 4A. 4A. 4A, ouais, ouais, ouais, Canadien. Taylor Hall et Drew Ferris est encore là, puis un autre Tata, là, je ne sais pas c'est qui. Les quatre fantastiques. Fait que finalement, on s'est basé sur la... On s'est basé sur la philosophie de Montréal. Ben ouais, tu vois, on est pionniers. D'autres chiolets, c'est entre toutes les clubs de la Ligue qui font exactement la même calice d'affaires. Mais c'est quand même mieux que... Ah, c'est pas mauvais. C'est un move qui est comme plus conservateur que Dallas Eakins qui est arrivé puis il a fait comme... Oh, fuck, on enlève toutes les photos de Wayne Gretzky. Ah, ça, c'est un move qui est politique. Hein? Ben, le PC, je pense que c'est ça. Bien, bien. Lui, il était fucker. On devrait le c'est pas l'affaire de la ligue. C'est comme rester en Suisse. Lui, c'est fini. Là. Il est... Ah ouais, ça va retrouver l'autre. On va remplacer Bob Hartley. L'ancien coach de Tampa Bay, là, Scarface. Scarface. Ah, okay, oui, Boucher. Qui a failli avoir une job à Toronto. Mais que finalement, il s'est fait travailler. Là. Lui, le là, balaf. Ouais, il était supposé avoir la job et finalement. Il était Babcock qui a pogné sa job à la place. Babcock qui a volé le show, man. Ben, l'affaire que je comprends pas, c'est que tout le monde dit ah, Guy Boucher, il est bon. Chris, il y avait 6 clubs, il n'y avait pas de coach. Puis Guy Boucher se retrouvait encore dans le fond, en Suède, projet Glendo. Ouais, mais c'est ça. Ouais, non, mais il y a 30 jobs dans En Suède, proche de Glendo. Non, mais c'est ben, Suède et Finlande, c'est pas proche. Non, non, mais Glendo, c'est la République. Ouais. T'es obsédé par on va dire en Tchécoslovaquie. Glendo, là, c'est en blé canette, je sais. C'est en Tchèque. Non, mais on s'entend-tu que Toronto, t'es sur le bord de donner un job à Scarface, puis boum, si finalement Babcock fait comme ah, ça me tente. Ben, pour de vrai. Ok. C'est chier. Ah, ok. Donne-y 8 millions. Ben pour de vrai, Boucher, je sais pas s'il va revenir dans la ligue, mais tu sais, parce que un jeune entraîneur, puis en plus, il y avait une équipe jeune qui a pas réussi, c'est comme vraiment pas bon. Man. C'est... Mais sérieusement, c'était un move-là. Il serait même pas capable de dealer avec des vétérans. Sérieusement, c'était un move-là pour Toronto, là. C'était un suicide. Prochain sujet. Pour de vrai, je pense pas. Max, c'est un suicide. Non, ils ont une bonne équipe, ben l'arrière, ok. What? Ben, bonne équipe de gestion. Ouais, mais il y a trop, moi, je pense qu'il y a trop de têtes fortes. Ouais, ouais, ouais. Il y a trop de têtes fortes. Ben, ouais. Surtout quand Shanahan, il descend sur le bus à la glace mais, avec that, son that hockey. Hey, les têtes dirigeantes de cette équipe-là sont plus gros que les joueurs. Ben, ouais, ben, il n'y a, ouais. a pas de vedette à Toronto. Ben, c'est ça, avec Lamar Hill. De Cadiff, de Dion, man. Non, non, il y a un autre joueur, Van Riemsdyk. Ouais, c'est vrai que lui. Ça, je dis, t'as pas de vedette. Puis Lunikouillet, c'est parti en plus. Là, fait que, Lunikouillet, c'est allé pas se retrouver avec Crosby. Non, mais Dion est encore là. Dion, mais c'est ça, j'ai dit Dion, man. Dion. T'as-tu vu le match d'ouverture de Toronto quand Faneuf est arrivé sur la glace? C'était comme. C'était vraiment mitigé. N'importe quel joueur qui est arrivé, il n'y a même pas eu un gros pop. Non. Il n'y a pas eu un comme. Oui, on l'aime. Oui, le coach. Ah ouais, ok. Coach, ouais, c'est vrai. C'est lui qui a eu comme un genre de standing ovation. Mais les joueurs, là. Ben. Non, puis quand Faneuf est arrivé, c'est le capitaine. Ouais. Amen. Babcock, il est roux. Babcock, il est overrated. Il est roux. Ah oui, il est roux. Ben alors. Hey, puis t'as peu. Il est pas roux. T'as peu. Il est pas roux. Yeah, oui. Il est pas roux. Il est over. Il est over. Il est over. Babcock, là, de toute façon, là. Non, mais on s'entend-tu que Babcock est parti de Détroit, puis que Détroit va très bien. Pas à soir. Là. Ah non, je sais pas. C'était 3-2. Pas à soir. Hier, oui, pas à soir. Pour de vrai, mais à date, il n'y avait pas de défaite, mais en 3 quand même. Ben, ça va très bien à Détroit. Là. Oh, ouais, ben, parce qu'il y a plein de vétérans. Tu sais, je dis... Anyway. Ah, mais c'est quoi la valeur d'un coach? C'est une équipe qui va faire son petit lot de points pour se rendre en série. Babcock est overrated. C'est pas un bon coach que ça. Non, mais non, ok. Non, je pense que Babcock, moi, je pense que Babcock, il est bon, mais il est peut-être un peu over. Mais sa réputation est beaucoup trop grosse. Moi, mon affaire, c'est plutôt jusqu'à quel point un coach peut avoir une influence tant que ça sur une équipe. Puis sur des joueurs qui ont peut-être pas de talent ou qui ont au point de donner 8 millions. Là, quand est-ce que lui a une équipe pas de talent? Il a-tu déjà coaché une équipe pas de talent? Son cas, never. C'est Shanahan. Ben oui, là. Ouais, là. Mais c'est ça. J'ai jamais c'est coaché un gros une équipe. Gamble pour lui. Il a jamais coaché une équipe qui avait pas de talent. Il a coaché les Red Wings qui ont toujours été bien montés puis il a coaché mais c'est quoi, Canada. C'est ça, hometown? On parle beaucoup de Toronto. Ah, hein, je m'excuse. Ouais. Ben, ils sont intéressants, ils sont fascinants. Mais c'est around the NH. Sérieusement, il y a deux équipes qui me fascinent dans la Ligue nationale actuellement. Là. Buffalo. C'est, non. C'est, non. Il est bandé Buffalo, mais non, c'est non, non, Buffalo, je le trouve juste cool, man. Aussi, mais, Buffalo avec leur victoire. Boston. T'as Boston, puis t'as Toronto. Deux équipes démolies. Boston, il me fascine, man, c'est avec Sweeney, là, qui non, compte. Ouais. Hey, démolie, c'était by the way, même. Hey, tantôt, t'as dit que, je pensais à ça, t'as dit que Penguin, Johnson va se faire virer le premier. Je serais pas surpris que Julien soit dans la course. C'est entre les deux. Ouais, Julien, Julien. On s'entend-tu que la course est entre Julien et... Avez-vous entendu, vous autres, l'histoire de... À ce qui paraît... À ce qui paraît, l'histoire. C'est l'histoire de ce qui paraît. L'histoire fictive de ce qui paraît. Dans un monde imaginaire. Non. Que Boston aurait essayé, genre, de trader. Ouais, t'as peu. Boston aurait essayé de trader, OK? Trader qui? Qui? Ouais, Brad Marchand. Brad Marchand, qu'est-ce que tu peux pas trader ça, c'ti? Au Canadien, contre les Canettes. Non. Imagine-tu. Je pourrais appeler qui, man, 100 000 à l'heure. Il y a des équipes qui ont levé le flag, comme quoi que Boston aurait essayé de trader Marchand. Puis, c'est qui leur autre gros joueur qui reste en ce moment? Bergeron. Non plus. En tout cas, pas Max Talbot. Ils l'ont soumis au balatage. Il a joué. Aurait été. Il y a des équipes parce qu'il paraît qu'il a reçu des offres de Boston. Il a fait comme vous autres, ça vous intéresserait-tu? Ouais, mais ça. Autres, ça a sorti des médias. Mais c'est pas mauvais comme trade. Si tu veux faire vraiment une reconstruction, Shara, faudrait que tu le trades. Mais si t'enlèves Marchand, 38 ans. Il est fini. Lui, il est fini. Mais si t'enlèves Marchand, je veux dire, il reste quoi dans l'identité? Ouais, mais si tu fais reconstruction, man. Boston, c'est la merde, Chris. C'est tellement plus le Big Bad Bruins, man. Comme je disais, Talbot a été soumis au balotage, mais il a joué finalement, comme David dit. Contre le Canadien. Pour Talbot, là, les gars, mettons là, entre Paul Byron et Talbot. J'aurais pu. Ben, il paraît qu'ils ont essayé. Canadien? Ouais, mais il était intéressé, mais quand Paul Byron est arrivé, ils ont essayé de chercher le jeune. Quoi, ça? Talbot? Talbot, il est fini. Talbot ou Byron? Talbot, il est fini. Byron. Parce que Talbot, il est trop vieux. Je pourrais pas me prononcer, mais je dirais Byron pour la jeunesse. Non, Talbot, c'est un genre de Steve Bégin. On n'a pas besoin à Montréal. T'as pas besoin de ça à Montréal. Il est brûlé, ce gars-là. Next. Présentement, non. C'est un gars d'énergie qui en a-tu encore tant à donner? Ben non, il est scrap. Tu sais, là, il a joué contre le Canadien, tu vois, il était toute tête folle. Il essayait de faire n'importe quoi. Ben, il voulait essayer. Il voulait essayer de se montrer. Ouais, genre, je sais, ouais. Mais tu sais, Talbot a fait ridicule, des bonnes affaires quand Pittsburgh a gagné la coupe la dernière fois. Il jouait sur le trio de fucking Crosby. Tu sais. Ben là, il jouait pas. Il jouait quand c'était un genre de Gallagher, man. Ouais. C'est un gars qui mangeait les bandes. Il était bon dans ce temps-là. Ouais, mais un Gallagher beaucoup moins talentueux. C'est pas un Gallagher. Plus talentueux Talbot que Gallagher. Mais non, moins talentueux. À la façon de. C'est un Bégin dans ses moins bonnes années. Mais non, ouais. C'est comme un genre de Gallagher, mais un petit peu moins. Mais Gallagher, ben, je sais pas. Parce que Gallagher, c'est un gars d'énergie, mais il a du talent offensif. Il est capable de poter. Tandis que Talbot, c'est vraiment. C'est un Bégin, c'est. Ben oui. Talbot, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est un Bégin. C'est carrière. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est un Bégin. Un Bégin est moins talentueux. Un beau Bégin. Ben non, Talbot est plus talentueux que Bégin. Talbot, Talbot. Il y avait une belle touffe de Végin. Hashtag Végin. Hashtag Végin. Talbot. Hein. Ouais. Up next, Rafi Torres est suspendu 41 games. Good for him. Fuck that guy, man. Décalise la ligue. T'as même plus d'affaires, là. Moi, j'appelais mon gars des fois Rafi Torres. J'ai essayé ça tout de suite. Il devenait violent. Ouais, pour de vrai. C'est un esti de trou de cul. Ben, c'est un récit divis, probablement des quoi à tête, là. C'est con. C'est bien qu'il m'a slashé avec sa cuillère. J'ai été vraiment surpris de la quantité de game, mais c'est une bonne affaire. C'est parce qu'ils veulent mettre leur culotte pour mon exemple. On y est. Mais c'est ça, là. C'est comme une série de c'est fini, je veux dire, c'est fini. Il peut plus. Il a plus sa place. Ouais, ça a plus sa place, ces joueurs-là, avec National. Puis j'ai vu un recap de comme tous ces hits dégueulasses à Rafi Torres. Il est dégueulasse. Non, mais c'est parce que Rafi Torres, je veux dire, c'est même pas un gars qui va dropper les grands. Après, pour comme assumer son mot. C'est juste un dirty hitter. Ouais, c'est ça. C'est un fucker. Ah, mais c'est un peu comme. Comment il s'appelle, ce style-là? Scott Stevens? Non, Caleta. Caleta. C'est un genre de Caleta. Ou l'autre, le Cook. C'est genre Kalamata. Jim Cook. Désolé. Tim Cook. C'est qui Tim Cook? Tim Cook, le gars d'avant. Non, c'est pas lui. Non, c'est lui qui a dit Tim Cook, pas moi. Qui a dit pourquoi tu me pointes? C'est lui, c'est moi. Tu m'as pointé. Tim Cook, la face de Fofi, là. Matt Cook. C'est des jokes. Matt Cook. Matt Cook. Babcock. Babcock. Babcock. Babcock. Hey, voulez-vous parler un peu de poudre, les gars? Oui, non. S'ils partent mon thème. Moi, je suis prêt. Mauvaise chance. Oh non. Yeah. Ça a l'air qu'il y aurait une vingtaine. Arrêtez de parler de substances illicites. Une vingtaine de joueurs de la NHL qui seraient régulièrement sur la poudre. C'est des nouvelles qu'on a vues. Ben, je pense que c'est JF Menace. Ça a toujours été ouais, c'est ça. Grand Fuel. Moi, j'ai une question en commençant comme ça. À brûle pour point, est-ce que les joueurs sont plus caves? Je ne sais jamais ça. Est-ce que les joueurs sont plus caves qu'avant ou ils se font juste plus pognés qu'avant? Non. Non. Il y avait plus de poudre avant? Non, c'était... Ben, il y en a tout le temps eu égal. Il y en a tout le temps eu, je pense, autant. Tu penses-tu que Guy Lafleur, il se poudrait pas? Ouais, je pense que... Je pense pas que c'était une drogue super populaire dans le temps. Je pense qu'elle devient populaire maintenant. Ben, c'est sûr. C'est sûr que la poudre, c'est une drogue de riche. Très, très, non, mais très moderne. Ouais, puis tu sais, à la base, non, non, non, à la base, t'as peu, je peux dire. Peux-tu finir mon point? Vas-y, Dave. C'est une. La poudre, c'est une drogue très. Pendant que je cote ça ici. C'est une poudre très moderne. Non, mais la poudre, c'est comme un peu la. Je dirais la drogue du. Du moment, là. Les années 80, c'était hot, mais là, c'est non, c'est la crocodile. Mais là, c'est ça, ça revient, tu sais, ça revient comme populaire. Mais je dis pas que ça a pas été populaire avant, mais la drogue, la poudre présentement, c'est une drogue très populaire, là. Ben, des poudrées, les années 80, il y en a tout le temps eu, il va tout le temps en avoir depuis longtemps. Mais je te dis que présentement. Il va tout le temps en avoir depuis longtemps. Ben, ici, non, mais gars, où il y a du succès, où il y a de l'argent, il y a de la poudre. C'est ça. Dans tous les sports, que ce soit NBA, NFL. Même en dehors des sports. Même la les mort trucs technologiques, puis whatever. Là, les avocats. La mort de Wall Street, les tout avec. Des politiciens, ils sont tous sa poudre. La mort au Dem, il se fait une petite tisane de Viagra avec une petite traque de poudre. OK. La mort au Dem. Ça, c'est les années 70. Elle fait juste reculer. Ça peut rouler des pétards avec la poudre dedans. Il y a un mot pour ça. Un juicy. Mais check bien ça, juicy. Non, mais. Fais juste reculer dans le temps, là. Ellis Valentine, là. Dans les expos de Montréal, là. Il sur le terrain. Il était tout sa poudre. Non, mais il se faisait. Non, mais il se faisait, c'est genre des clés dans le champ, là. Des clés dans le des champ. Des clés dans le champ. Ben ouais. Fait qu'il y avait ses clés dans le champ. Il s'avait accroché avec un petit harnais, là. Non, mais. Non, mais Ellis Valentine, là. Il y avait des complets, là. C'était connu que ce gars-là. Non, il y avait des longs-ongles au travers de son gain. Il enlevait son gain. Il se poudrait comme Steven Tyler, là, d'Aerosmith, là, en plein milieu de la gig. Dans les années 80, c'est sûr qu'il y avait le problème. Dans Star Wars. Mais je trouve juste ça revient présentement. Dans Star Wars, quand ils sont sur Hot, la planète de. Ils sont tous sur la poudre. Non, mais pour vrai, écoute, Carrie Fisher était sur la poudre. Solide. Ben oui. Il y a des photos d'elle que tu vois qu'elle a un long coke nail, là, son petit doigt. Là. Nice. C'est ça. Elle l'a dit non, après qu'elle était à bout. Fait que tu sais, partout, là, il y a eu non, du mais succès. C'est, la c'est juste parce qu'actuellement, c'est un sujet d'actualité. Ben, parce que là, il y a une affaire qui est sortie, ils ont parlé de ça. Ils ont pogné plein de joueurs. C'est une drogue qui vient avec l'argent. Genre, t'sais, comme, t'sais, quand tu fais de l'argent, puis je veux pas comme un name dropper. Quand on fait pas ça, c'est vraiment accessible facilement. On n'est pas Théorème Fleury. Ouais, mais c'est accessible facilement. Oui, mais tu sais, c'est comme. Okay, wow. Tu peux partir sur un gros trip de poudre quand t'as de l'argent. Tu pars bien, c'est le fun. Tu peux partir une belle soirée. Tu peux juste. Il y a une autre affaire aussi, là, juste concernant ça. Là, quand j'avais lu. Tu comptes 30 buts par année. Un à la fois. Un à la fois, c'est Mark qui a parlé. Mais l'affaire que je pense, là, c'est que. Ça meurt de parler. Le problème. Excuse-moi, Mark. Ah, c'est bon. Non, mais je voulais juste dire que. Quand tu es Dave. C'est l'autre jour. Quand j'avais lu la biographie là, de Probert, là, juste dans Red Wings, là, il parlait de qui, avec qui il partait sa ballon, tout ça. Là. Puis c'est comme, tu te rends compte que juste dans l'équipe, là, il y en avait comme une gang. Là. Ouais, c'est sûr. Puis ouais, il disait que la coke était, si tu bois bien de l'eau, en 48 heures, t'en as plus dans le système. Fait que c'est une drogue qui est bon pour cheveux, les athlètes. En deux jours, trois jours, là, ça c'est plus dans le système pantoute. Ouais, mais si tu coupes, c'est dans les cheveux, puis les poils à barbe. Puis... Ben, c'est comme ça que Déo, ça fait de poignée. Alors, qui est chauve dans la Ligue nationale? Non, mais. Markov, ben, en tout cas, Markov, il s'est rasé en Nice. Théodore s'est fait pogner à cause J'ai de ça. J'y ai pas faire enquête là-dessus. Théodore. Ouais, ça, ben oui, avec sa propre échia, là. C'est à cause qu'il était sa poudre, là. C'est des rumeurs, ça. C'était pas des rumeurs. C'est des rumeurs. Ben, t'as aucune preuve que c'était vrai. Il y avait une femme de coquille, Chris, elle s'appelait Ray. C'est encore là, on va venir sur Théo tantôt. Non, mais attends, je peux-tu t'expliquer, moi, c'est quoi la différence entre Théo et Price? Vas-y donc. Ouais, mais je vais te l'expliquer tantôt. Quand on va arriver au sujet, ouais, qui est le dernier dans la liste. Ben, déjà en parlant un pied. Là, les Devils vont retirer le numéro 30 de Martin Brodeur. Hashtag Fatso. Hey. Good for him. C'est pas surprenant. Là. Le meilleur goaler de l'histoire. Jusqu'à Price présent. Va battre son record. Oui, mais pour l'instant, ça reste que c'est... Le record, attends, record de? De Brodeur. Non, je pense qui, pas. Qui, lequel? Brodeur. Les victoires en carrière. Il y a du chemin à faire, là, mais j'aimerais ça. Price, il a juste 27 ans. Oui. Ouais, mais il jouera pas jusqu'à 47. Aujourd'hui, il y avait des rumeurs que la blonde à Price était enceinte. Là. C'était Gazip, let's go. 25 Stanley. Gazip. Ah, c'est 25 Stanley, esti. Mais c'est pas ça, cette rumeur-là. Mais Brodeur, il se fait retirer son numéro par les Devils. Le 30, c'est pas surprenant. Il est comme solidement en conflit avec les Devils. Je pense pas qu'il est en conflit. Non, je pense qu'il est parti. Mais non, lui, il est parti. Hey, il était supposé avoir, lui, là, Asti. Non, mais Lou est parti. Il était supposé. Lou, je pense pas. La chaise de DG était promis pour lui, man. Mais non, DG. Voyons, il n'y avait pas d'expérience en ligue. Tu ne prends pas un joueur qui vient prendre sa retraite, tu mets DG. Voyons donc. Pendant que Jeff Casabian. Éventuellement, mais pas Lou. Au lieu de partir pour les Blues, là. Mais il va faire ses classes aux Blues, pour pas se tourner en Devils. Moi, je ne crée pas, moi, je crée pas. Non, il y a un fret entre l'organisation des Devils. Il y a peut-être un fret avec Lou Lamoriello, mais là. Non, il y a un fret avec l'organisation. C'est qui, Lou? Lou, c'est là, Lou. Aaron Lou, le lanceur des Blue Jays. Là. Moi, je pense pas qu'il ferait tirer son chandail, il n'y a pas de fret. Là. C'est parce que Lou, il est ça plus prend là. Ça pour une réconciliation. Lou, il est plus là. Ouais, mais c'est justement. C'est comme là. Ouais, Lou, mais encore un propriétaire. Faites tes classes avec là. Les Blues, puis après ça, viens. Il va être chumé avec le propriétaire parce que lui, dans le fond. Pas lui qui décide, là. Hey, tu vas tirer mon chandail, on va être chumé. Non, mais Chris, parce que sa place, il revenait de là, man. Lui, le brother, il a tout le temps pris des contrats hyper bons. Il aurait pu être assistant au DG, mais justement, Lou, il n'a pas pris. Fait que tabarnak, c'est avec Lou le problème. C'est pas avec le président de Davos, là. C'est bon. Ben, Next, c'est tout des dire anyway. On va parler du joueur par excellence, Alex Lucic, qui est rendu avec les Kings. Ben Alex, c'est pas moi ça. Ouais. I fucking hate him. Oh, on va te sortir des extraits de l'année passée. Sors le temps. Ben, je le prendrais dans mon équipe avant. Là, là tu prendrais ça encore dans ton équipe. 2 ans, là, pas là, là. Fait qu'à sa première game avec les Kings, le trio de Lucic ont été moins 6 et Lucic a fait expulser. Yeah. Fucking idiot. Yeah. C'est-tu de cave? Ben, j'ai dit ça dans la première saison du podcast. Ouais, je parlais ça fait 2 ans. Ça, c'est okay? Vrai, par exemple. Wow, là, mais ce gars-là on peut, te pas, ramène à chaque ce fois. Gars-là peut pas prendre un hit. Là. C'est un dingue, man. Non, Fifi. Hey, je me demande s'il l'a menacé de mort après. Ah, c'est un. Hey, man, c'est vraiment un. Après ça, il était allé. Se faire frapper, puis après ça, il est fâché comme un crybaby. Après ça, il a écrit un livre sur l'intimidation avec sa femme. Ah oui, c'est un livre pour enfants, ça. C'est une petite bully. Il joue à cette semaine, Alex Ovechkin a manqué le match de mardi parce qu'il est arrivé en retard à pratique. Mais man, ouais. Une chance que Barry Trotz ça c'est fait, le capitaine du club là. C'est pas grave. Moi Barry Trotz il a mis son point sur son cadran a pas sonné. Non parce que bullshit. Ce qu'il a fait c'est qu'en 2015 il a mis son cadran à 8h30. Ah BM, bullshit et tout, man. Il est en Californie, right? Ouais, il était à San Jose. Il était sur le parc. Il était des Sharks, ouais, c'est ça, c'est chaud. Trotz il a backé par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Ok, l'organisation diront pas qu'il a été sorti. Oui, ils vont dire que t'as mis ton cadran, mais Chris, juste le dire que tu joues pas à soir, quand tu faisais à ton meilleur joueur, tu joues pas à soir, tu l'as puni en tabarnak, tu sais que c'est grave. C'est ça, là. Mais ils ont perdu la game 5. Mais sais-tu quoi? Mais Trotz a coupé à poire en deux, par exemple, t'sais, parce qu'il a fait comme ok, je vais dire que c'est dignité, pour ça, mais c'est comme tu joues pas à soir, mais je vais dire que. Ouais, mais en même temps, là, c'est vraiment comme. Ce que j'ai aimé de ça, c'est que Trotz a tenu son bout. Ouais. Mais Ovechkin, il s'est pas défilé. Puis il a dit. Il a admis ses torts, man. Puis il a dit, garde, j'ai été benché. Puis that's it. Wow. Puis quand il est revenu, il a scoré. Ovechkin après, man. Ben lui, c'est sûr, il va encore remplir la net. Lui, là, il a encore besoin d'apprendre parce que c'est un enfant qui est genre. C'est un gros bébé, il vit encore avec ses parents, t'as pas. C'est sa grand-mère, son agent, en plus, à l'heure. Il vit avec ses parents. Moment, il fait à manger. Bon, la période est finie, on va quand même continuer. Il reste une coupe de points rapide là, pour Run the NHL. Justement, on parlait des Sharks. Là. Selon Hockey News, les Sharks auraient le plus beau chandail de la ligue. Ah, ça, c'est de la merde, ça. Non, mais j'ai juste qu'on. Hockey News, là. On va faire un tour de table là. Savoir, vous autres, le plus beau chandail de la ligue, c'est quoi, selon Canadien. Vous? Ah non. Ah ouais, Canadien. Ben, les Hawks, moi. Les Hawks. Ah, les Hawks, j'avoue que le. C'est pas mal le noir ou le rouge, là. C'est dans mes top chandails. Mais moi, c'est Montréal. Ouais, mais oui, mais c'est un choix de cœur. Mais j'aime le logo de Montréal pour le côté classique. Ouais. La couleur, moi, c'est le rouge de Montréal. Le rouge de Montréal est beau. Le rouge, mais le bleu, ce chandail est beau. Je te dirais, les Black Hawks. Je te dirais que mes deux chandails préférés, puis Montréal est comme un choix. Montréal est comme un choix de cœur parce que j'aime le logo. Mais les Hawks, je veux dire, il est hot ce logo-là. Il est hot ce chandail. Chandail rouge des Hawks, c'est beau. Il est beau, chandail rouge. Comme rouge brique un peu. C'est un esti de rouge genre. Mark, ton préféré. Les Hawks, ouais, j'adore les Hawks, ça, c'est sûr. Oublie ça. Là. Mais j'en ai trop aussi. Mais je peux pas dire que les Sharks, il est dégueulasse. Non, il est beau quand même. Moi, je l'aime pas les Sharks. Je trouve que c'est trop moderne. Ça n'a pas rapport. Mais il est pas les. Pour des nouveaux chandails qu'ils ont fait, j'aime pas les chandails. T'aimes mieux les Blues. Moi, non, plus, j'aime pas les Blues, je le trouve hot. Moi, tous les Blues, je le trouve pas, moi. Le chandail bleu des Blues. Mark Tripp, c'est Blues, mais pas sur le chandail. Non, t'as peu. Non, je serais pas ses Blues non plus, non. Il revient sur la décision de Vieille tantôt. Équipe, les North Stars, Minnesota, chandail. Ah, lui, il était les Whalers. Non, les Whalers. Moi, j'ai à peu près 4 chandails que j'aime. C'est sûr, il y a Montréal, Chicago, J'adore, mais en mongol, le bleu et gold de Buffalo. Ouais, moi, tout, je m'en disais, Buffalo est beau. Man, le classique. Le classique avec Buffalo, toi, Calis. Qui est beau, man. Non, mais c'est vrai qu'il est beau. Man. Bleu et gold, là, ouais, c'est avec hot, le crest en rond. C'est comme les couleurs de la Suède, genre, un peu. Je sais pas, c'est pas les couleurs de Cladino. C'est pas un logo que je trouve intéressant. C'est un classique. Je trouve que c'est un... Ça a l'air d'un écusson cheap. Ouais, je sais que c'est... Ça a l'air d'un écusson d'une ville cheap, genre, tu sais, qui s'est fait faire son logo en 1942. C'est Panthers, Tampa Bay, pas beau. Philly, c'est... Le taux de succès Double Moi, c'est... Philly, c'est dégueulasse. Moi, c'est Philadelphie, man. T'aimes ça, Philly? L'orange. Ouais, l'orange, est beau. L'orange, oui, mais le logo est orange, dégueulasse. Le logo. Non, on dirait une bouche d'égout. Le orange avec le logo, ouais, le crest noir. Wow, man, c'est badass. JF, ton genre préféré de la Ligue à part canadien, wow, mettons, ouais, là. Ah ouais. Moi, j'aimerais tous les Original Six. Je trouve que c'est des classiques. Toronto, est-ce-tu? Ben, j'haïs pas le bleu de Toronto. Oh, que non, moi je préfère le bleu des Rangers. Enlève-moi ton genre des Rangers. Six, c'est pour moi, c'est Rangers, la NHL. J'aime bien ça. Puis le reste, je m'en calisse. Ah, les Wings, il est beau en tabarnak. Tout le rouge des Wings, là, aussi, est beau, man. Alex, ton préféré? Moi, j'ai n'en dit plein avec Mark. Ah, j'avoue. Ben, moi, j'ai pas de plus à rajouter. Il n'y a pas, selon moi, de logo moderne qui pourrait rentrer dans mon top. Il y en a pas. Dans les nouveaux. Moi, il y en a plein de chandails que j'aime. Les Hurricanes. Je parle à partir des années 90. Les Flames, il est beau, tu sais, le rouge. Oui, il est classique. Ils ont tout de quoi de beau. Ils sont tous à part les nouvelles. Sauf comme rouge, orange. Columbus, c'est en disant, mais tu sais, comme. Faudrait Tampa Bay. Les Panthers, j'aime pas ça. Ben, t'aimes pas les nouveaux du pingouin, il est moins épais, ils l'ont comme arrondi, ils l'ont simplifié là, il fait moins bébé, l'ancien des pingouins je l'aime plus que le nouveau. Ah oui, l'ancien avec le triangle genre, non? Le premier chandail des Ducks. Ah oh, non. C'est très canon, Mighty Ducks. C'est trop vieux, trop bébelle. Ah ouais, c'est bien trop bébelle. Ouais, moi, ça me fait penser à Emilio. Moi, sérieusement, je pense qu'il y a un des derniers qui a été fait, là, un des récents que j'aime vraiment gros, puis je trouve qu'ils ont bien comme refait leur logo puis leur couleur, c'est les Stars de Dallas. Le vert, moi, tout, je l'aime. Nice, man. Il est beau, le vert. Ils retourneront jamais avec le vert des North Stars. C'est vraiment un vieux vert. Ça, c'est écœurant. C'était fou. Prenez-moi les Whalers. Une équipe qui reviendrait de même. Vert, j'aimerais ça, man. Vert, pâle, plus pâle. Ouais, c'est un vieux vert. C'est un vert qui pâle. Un vert que tu veux voir de TV cathodique. C'est genre, ça, exactement. Vert et gold. Blanc. Ah, c'est nice, man. Le N, genre. Avec la petite étoile sur le N. Ça a l'air des c'est un peu ça qu'ils ont voulu faire avec le D et l'étoile. Ouais, je sais. Puis honnêtement, moi, je l'aime crissement mieux que l'ancien des Stars. Il était dégueulasse. L'ancien des Stars avec une étoile dans le A, genre. Ouais. Même genre de sujet. Selon ESPN, le Lightning Tampa Bay, non, ça ne me parle même pas de la ça, meilleure franchise de la ligue. What the fuck? Fuck you, attends, ESPN, tabarnak. Selon ESPN, le Lightning serait la meilleure franchise de la ligue. Ben, sérieusement, ils ont une calice d'équipe. Oh, mais tabarnak, le Canadien, c'est pas la meilleure franchise. C'est pas la meilleure franchise de la ligue. Mais qu'est-ce que t'entends par franchise? Troisième au total dans les sports confondus, mais meilleur dans tous les sports contondus. Non, mais dans la NFL, dans la ligue. Non, non, meilleur. NBA. Dans la NHL, c'est meilleur dans la NHL. Ouais, dans la NHL. Et c'est troisième dans tous les sports confondus. No fucking way. Même pas premier dans la NHL. Moi, il ferait partie de mes premiers. Première franchise? Franchise! Avant Buffalo. Attendez, j'ai des arguments, boss, non? Ben, Chris, ils ont Stamkos. Non, on parle pas des joueurs, meilleurs joueurs. On parle pas de la meilleure équipe, man. L'administration, le concierge, les cheerleaders. Franchise, comment tu traites les partisans, tout l'ensemble en général. La pire affaire là, le côté business du Chris sont avant Yankees. La pire affaire, non, ok, ça je comprends. Okay. Mais avant le Canadien et tout, man, voyons donc, ça n'a pas de sens ça. Avant Yankees. Ben, moi je pensais que ça comprenait les joueurs qu'il y a dans l'équipe là. Franchise là, c'est l'ensemble de l'œuvre. Mettons l'équipe. Ben moi l'équipe fait partie de ça là, l'ensemble de l'œuvre. Oui, mais il faut que tu regardes plus loin que juste l'équipe. Mais c'est quoi plus loin? Le marketing, l'amphithéâtre, man, l'histoire de l'équipe. Le ouais, tu sais, c'est ça, comme la réputation. Moi, je le voyais plus comme une équipe par rapport à la puissance de l'équipe, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à d'autres puissances d'équipe. Même genre, là, en frais de, même là, elle serait pas première. En frais d'être capable de gagner un championnat. Ouais, non, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est OK, franchise. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Écoute, non, là, d'abord, non. Là. On rewind. C'est dans le champ, même pour le reste. C'est de la merde. Puis en plus, c'est le propriétaire qui a washé tout le monde pour dire t'as pas droit de porter le chandail de ton club si tu viens dans mon arena. Fuck you. Ah, ça, c'est cave en esti. Puis là, ESPN, tabarnak. C'est une référence, ça, ESPN. Ben, non, ESPN, mais j'ai vu des nouvelles passer, parce que je les ai notées, parce que ça fait partie des, supposément, des des affaires de sport. Mais leur site, site pour des stats de hockey, il est bon, par exemple. Leur stats de hockey, les opinions peut-être moins. Les opinions, c'est ça. Les journalistes, là, ESPN, c'est pas un channel de hockey, genre. C'est un channel de NASCAR, man, ESPN. Ah, tellement, en plus. C'est un channel full américain. Là. C'est ça, ouais. Exact. C'est ça. Fait qu'on veut du basket, du baseball. N'importe quoi sauf du hockey, là. Ouais. Prochain point, il y a eu où il va y avoir une émission spéciale de 30 minutes sur PA Parento à TVA Sport. Il y en a eu une la semaine passée, samedi passé. Puis je vais racheter à ce sujet-là que le coach... Ils vont les tirer vers du nez. Babcock a demandé à Parento de se couper les cheveux parce que c'était pas assez sérieux. Non, c'est pas Babcock, c'est Lamoriello. C'est Lamoriello direct. Parce que c'est Lamoriello qui est. Il était jaloux. C'est lui. Non. C'est les choses qu'il y a pas un tabarnak. Il n'y a pas une petite poêle à blaze. Non, c'est pas ça. Non, mais give it to me. Non, mais Lamoriello, vous vous en souvenez quand il était avec les Devils, il n'y avait pas le droit à aucun journaliste avant les games. Puis il n'y avait pas le droit de choisir leur numéro. Puis il y avait plein d'affaires. Ah, Lamoriello, là, c'est comme un dictateur. Fait que lui a dit dans notre équipe, des cheveux longs, on n'en veut pas. Tout le monde a la barbe faite. Tout le monde, comme moi, je propose jouer à Toronto aussi. Toi, tu as vu ça, man. C'est ça. Mais, toi, c'est pas que la Jagger, Mark, là, pour la saison. Ah, ouais, man, j'y vais avec un mix Jagger Carlson. Toi, Mark, je t'en regarde, t'es peut-être pas fan. Carlson, mais t'as une Tom Gilbert, aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, Mark, toi, t'es peut-être pas fan, mais je te regarde, puis t'as une Tom Gilbert, aussi. Ah, ouais. Elle est plus longue que la Gilbert. Mais non, Gilbert est plus longue que toi, man. Pour avoir fait un show spécial après la game du samedi soir à TVA Sport sur Parento, là. J'aimerais tellement ça rencontrer le gars qui a eu l'idée de le faire. Je sais pas, mais j'aimerais... Moi, je suis sur RDS, c'est dans le chambre. Okay. C'est ça. Ben, j'aimerais rencontrer le gars de TVA qui a eu l'idée d'en faire une émission là-dessus, qui ont payé pour ça. Il n'y a pas d'autre sujet à passer avant ça, tu sais. Je vais y serrer la main, puis je vais dire, « Hey, toi, t'es calme. Qu'est-ce que tu veux faire avec Parento? » Non, mais non. Il était son deck à côté de son barbecue. Sais-tu qu'est-ce qu'il veut faire avec Parento? Une rédemption. Il veut y faire dire, genre, pourquoi qu'il n'est plus à Montréal. Il veut tout le faire. Comment qui, Michel? T'es pas à Montréal, c'est parce que t'es poche. Non, c'est parce qu'eux autres sont en train de préparer le pion, genre, pour diffuser des Nordiques, puis pour monter du hate, là, contre Montréal, puis... Ils veulent avoir du hate. Amenez-moi en studio, vous allez voir c'est quoi du hate en Esti, man. Asti, tu vas voir. Unleash the Kraken. Ne mettrai pas de sac de patates sur la tête pour aller à TVA, ça, c'est clair. Moi, je suis pas gêné. Bon, prochain sujet, là. Attention. Mallette va briser TVA Sport. Attention, Marcel Alert. On va parler de Marcel Aubut. JF, prépare tes points. J'ai un thème pour les alertes Marcel Aubut, fait qu'on va écouter ça. Toi que j'ai Jésus dans le cul, pis l'orgueil joue plus comme la pince à Marcel Aubut. Je tombe pour l'osile. Merci Bernard Adamus pour ce petit extrait musical. Calice. Quand je me suis rendu compte qu'il parlait de Marcel Aubut dans sa tune, je suis comme ok, là, je peux pas prendre ça, là, c'est même trop bon. On le réécoute! Toi que j'ai Jésus dans le cul, pis l'orgueil joue plus comme la pince à Marcel Aubut, je tombe pour l'asile. Ouais, Marcel aussi, t'es bon pour l'asile, mon vieux sénile. JF, tu voulais qu'on parle de l'affaire Eric Lindros contre les Nordiques revisité? C'est ça. Les gars, dans le fond, là, vous êtes capable de me dire pourquoi que Lindros n'a pas signé à Québec? À cause de Marcel Aubut. Attends, Martin? À cause de Marcel Aubut. Non, mais... Non, à cause de son père. C'est sa mère. Ben, c'est ça, c'est sa mère. Sa mère qui voulait rien savoir. Sa mère, elle s'est fait toucher par Marcel. Le pourquoi. Mettons, avant que l'histoire arrive, c'était pourquoi? Ben, l'histoire, c'était que sa mère, elle n'aimait pas elle voulait rien savoir de Québec. Puis ses parents, elle voulait rien savoir de Québec en tant que tel. Merci. Mais moi, j'étais un fan des Mais moi, je dis que la mère de Marcel, a eu un bec mouillé. Parfait. Elle a dû le bord de la babine. Fait que ça, c'est l'opinion en général du peuple québécois. C'est ce qui était sorti dans le temps, c'est que les parents de... le gros Chris, là, il voulait pas qu'il joue à. Gros Chris. Là, moi, j'allais, moi, c'est mon préféré. Là, on va rewind. Lindros? Ah oui, juste le fait qu'il n'y a pas voulu mettre le jersey de Québec. C'est pas lui qui voulait pas le mettre. Laissez l'enquêteur parler. C'est sûr, s'il n'y avait pas dans la main. Martin prend un thème de mallette enquête. Ok, c'est bon, ouais, ok. On solo de guitare. On retourne en arrière. Oui! Je peux mettre les news à Josette, mais on va le garder pour le podcast. Okay, juste la Whammy Bar aussi. Là. Là, si on retourne, mettons, avant le repêchage où Lindros est repêché premier, il y a des négociations de contrat qui doivent être faites. Tout le monde sait que les Nordiques repêchent premier, puis tout le monde sait que Lindros va être repêché premier. Fait qu'il y a des meetings dans une salle de conférence. Puis, c'est ça, con. J'ai lu la presse, la presse. Ah, que là, le journaliste correct, là. Ben oui, parce que je... Non, mais là, il avait raison. Puis, il relate les faits qu'il a lu, là. Moi, ça, non, c'est ça. Moi, je connais ça, une histoire. Puis, vous l'avez pas lu, fait que je vais vous dire l'histoire que j'ai lue. Qui l'a écrit? C'était, Alex Dor. Je me souviens plus c'est qui, mais c'est pas un journaliste sportif. Ah ouais, fait que c'était bien écrit, puis il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc. Un petit jab au passage. Et faute d'orthographe. Je suis pas capable, tellement arrogant, je tirais par les cheveux. Mais l'histoire, c'est que. Il y a des. Je peux-tu continuer mon histoire? Vas-y. Tu recommences tout le temps à la même place. Avance! Fait que là, il y a des négociations. Ils sont en meeting. La mère de Lindra, c'est son agent. Son père fait partie des meetings, puis Eric est là aussi. Eux autres le savent qu'aux États-Unis, il y a des gros contrats de commandite avec CCM puis toute cette gang-là. Fait que sa mère, elle sait qu'est-ce que son gars vaut. Fait qu'elle offre des négociations. Mon Marcel Aubu, en négociation, il s'est levé de bout puis a commencé à insulter sa mère sexuellement. Je sais pas qu'est-ce insulté qu'il dit. Insulté sexuellement? Ouais, genre, Chris, est-ce qu'elle donne à manger des graines? C'est des affaires de même. Comme les commentaires de Dave avec Chantal? Un peu dans le même wow, genre. Wow, wow, wow! T'as juste des petites crises de boule, ma petite Chris! Ben, c'était vraiment déplaisant. See you can take a dick! See you can take a dick! Fait que là, c'est VIP est parti. Fait que là, c'est sonné, il disait un commentaire déplaisant sexuellement, mais en français. Il était en tabarnak parce qu'il était écœuré de négocier. Le problème, c'est que la mère d'Eric Lindros comprend le français. Oh, oh t'as peu. Premièrement, la situation. Ben, c'est comme dans Game of Thrones, là, quand elle a fait comprendre tout le gars, qu'est-ce qu'il disait. Exactement. Calici, man. Fait que là, il reste deux les spoilers, on se calmera. Hey, t'as peu. Gros spoiler. Je vais pas te couper tout ça, mais... La mère d'Eric Lindros comprend le français. C'est ça qui était écrit. Elle a pris des cours avec LPS. Avec le petit Liam Zoll. Avant, je ne parlais pas français. Maintenant, je parle français. OK, vas-y. Merci, Richard. Fait que là, deux jours avant le repêchage, le père d'Eric Lindros, c'est un grand fan de Guy Lafleur. Fait que Marcel Aubu. Ah, c'est rendu lourd. Marcel Aubu. Attends. Rewind, j'ai manqué le bout. Tu veux trouver ça dans ta Le père d'Eric Lindros, c'est un grand fan de Guy Lafleur qui connaissait le cousin de la femme. Ils ont on a Lindros. Il trippe sur Guy Lafleur, OK? Je connaissais Guy Lafleur de la fesse gauche, de son cousin de la fesse droite. Il trippait, c'était des fans, des fanatiques de Guy Lafleur. Fait que Pierre Pagé et Marcel Aubu, ils ont demandé à Guy Lafleur. Pierre Pagé? Ouais, c'était le coach des Nordiques dans ce temps-là. Ils ont demandé à Lafleur, tu peux-tu aller rencontrer les parents de Lindros puis essayer de le convaincre de signer à Québec. Fait que Lafleur prend l'avion, il s'en va en Ontario, il rencontre les parents, puis le père, il a dit à Guy Lafleur, il a dit Monsieur Lafleur, c'est bien le fun que vous venez ici là, mais mon gars jouera pas pour Marcel. Moi, ben là, j'ai entendu que Lafleur avait pris le train par exemple. Moi, je pense que c'était avec Villorel. C'est ça, en classe économique. Il a pris le transport pour faire l'Ouest canadien. Il a pris son turbo booster. Il a pris Revit-Tuit booster. Il a pris Canada Scenic View. C'est bien trop long. OK, Marcel Aubu a insulté sexuellement, puis c'est pour ça qu'il risque qu'il n'ait pas signé. Lafleur, il y a eu la confirmation du pourquoi que... Puis finalement, ça a donné... Puis lui, il a dit Richard Labbé qui l'a écrit dans la presse. Non, Lindros, il a été appelé pour savoir si c'était vrai cette histoire-là. Puis il a confirmé, puis ça a l'air qu'il y avait un malaise, puis il a pas osé dire ce que Marcel Aubu avait dit. Ben Lindros, comprenait-tu le français? Il est marié avec une Québécoise. Ça, c'était le deuxième chapitre. Il doit connaître ça, les assauts sexuels, lui-là, Lindros. Il était avec une commotion, il est tout perdu, lui. Il devrait faire comme ils ont fait. C'est où qu'ils ont fait ça dans la ligue? C'est pas à Philadelphie qu'ils ont fait ça avec Kane? She said no. Ouais, c'était malade, ça. She said no. Pour Kane, il aurait dû faire ça avec Marcel Aubu. She said no. Il est rarement sur la glace, Marcel Aubu, pour faire ça. Pas besoin d'être sur la glace. Ah, ben là, bon, façon, on va en avant de chez eux. Ouais, on va. Fait que tout ça pour dire que Lindros, dans le fond, il est pas venu à Québec parce qu'il aime pas les Français québécois. Il est pas venu à Québec parce qu'il aime pas Marcel, parce qu'il a pas respecté sa mère. Il a dit à sa c'est mère. Ça, ouais, mais en bout de ligne, là, je veux dire. C'était un tabarnak. L'histoire d'origine que moi j'avais entendue. Est pas loin de la vérité. C'est juste qu'on connaissait pas le détail que Marcel Aubu avait insulté sa mère. Ouais, mais c'est ça, mais il a jamais pas aimé les Québécois. Il était prêt à jouer pour les Nordiques. Moi, j'avais jamais entendu cette affaire-là. Ben, c'était un truc que tu lis l'article. Ils ont fait un article. She can't take it. C'était c'était trois fucking chapitres dans la presse. C'était vraiment intense. Là. Avec tout ce qui se passe avec Marcel Aubu, ils ont décidé de retourner dans le passé pour explorer cette histoire-là. Puis en tout cas, fait que tout est sorti d'un coup. C'est pas compliqué. Ils ont pris la machine à voyager dans le temps. Ils sont allés chercher une DeLorean. Fait qu'en conclusion, Marcel, gardons ton pénis dans tes culottes, s'il te plaît. Il a toujours gardé son pénis dans ses culottes. C'est pas fermé sa gueule. C'est comme les becs mouillés, un petit peu trop mouillés. Il a pas sorti son pénis. Il a juste touché des parties intimes. Il a les mains baladeuses. Avec ses doigts de pogo, là. C'était un taponneux. Les mains baladeuses. Un vieux cochon. Il a même touché Poutine. Ça s'est abattu dans ses bobes. Il a touché Poutine avec ses doigts de pogo, mais chant trio. Oh, il va. Ouais, pas au prochain. Ben, rapidement, les joueurs des Canucks auront des chansons personnalisées pour chaque but qu'ils vont faire. C'est cool, ça. Ouais. Je ferais ça à Montréal puis partout dans la ligue. À Montréal, je trouve ça cool qu'on ait une chanson en français, par exemple. Quel beurre t'as reposé une joie de tonne. Ouais, la toune. Elle a compté un but. La toune de Loco Locas, c'est la NHL 16, ça a l'air. Ouais, je savais pas ça. Pourtant, j'ai compté plusieurs buts, j'ai pas entendu la toune. Si Loco Locas sort du ben trop vendu à cette heure. Ah, ils font plus rien. Ah, j'avoue que j'étais à l'étranger. Ah, c'est ça. T'as pas joué jamais. J'ai eu une révélation en ce moment. J'ai joué 4 premiers games. T'as pas joué à 5ème contre les Rangers. Non, pas encore. Je suis pas rendu là. Je suis pas bien. Puis le dernier point, je sais que Jeff va encore avoir de quoi à dire là-dessus. Théo qui fait un article dans. Moi, je veux pas parler de Théo Collis. Théo qui se comparait à Price encore une fois. Là. Honnêtement, là, je veux pas être plate, mais j'ai même pas lu l'article parce que quand j'ai vu ça, j'étais en tabarnak, j'ai lancé ma fourchette. Moi, je voulais que tu nous racontes l'article comme tu nous as raconté l'histoire de Lindros. Non, parce que c'était tellement palpitant. Pourquoi je perdrais mon temps de lire un article sur Théo qui se compare à Price? Parce qu'il a gagné un Vizina. Ah, tabarnak. Il a gagné un Vizina. La game a changé. Il a gagné un Vizina. Moi? Antoine? Il a gagné un Vizina. Il a gagné le Heart. Le Heart. Hey, Théo. Le Heart, hein, le Heart. D'abord. Hey, Théo. Ah, je sais pas, man. Théo, il a gagné un trophée, Calis. Hey, Théo, ton trophée, il est lettre à télé. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des articles dans le journal, tabarnak. Le gars est pas capable de faire une phrase complète. Non, c'est vrai, Chris, on a tous vu. Il y a quelqu'un qui l'écrit pour lui. Non, hey man, quand il manque, ils ont fait. C'est quoi, prendre attends, une pénalité? Attends, j'ai dit qu'il passe, j'ai tout d'accord. Prendre une pénalité. Je l'ai. Ils ont fait prendre une pénalité. Quand on patine, on gagne nos batailles, qu'est-ce qui arrive? On a réussi à commettre. Faire Tampa Bay avoir une punition. Puis le pire, c'est qu'il roule ses yeux pendant la scène. Il cherche les joueurs comme on a réussi à faire commettre prendre Tampa Bay une pénalité. Le pire, il roule ses yeux comme. Ah fuck. Juste pour le fun, on s'est repassé un petit Brisebois aussi l'année passée. Brisebois, il a disparu, man. Ils l'ont rétrogradé. Ben, c'est sûr. Il est où, là, ça? Mais, ceci dit, là, il faut absolument, là, le Canadien, là, il faut. Là. Il faut. Quand on est battu, quand on se fait battre, là, là. Ça prend, là, pourquoi qu'on s'est fait battre? Pourquoi on s'est fait battre? Quand on s'est battu, qu'est-ce qu'on a pas fait lors du dernier match? Il faut le faire ce soir. C'est tout simple que ça. C'est classique. Non, mais calé, c'était TVA Sport, les joueurs. Moi, je te dis, là, je suis sûr que cette séquence-là, là, comme à sa défense, là, moi, je suis sûr. En tout cas, cette séquence-là, là. Ils sont juste pas habitués de faire la TV. Non, mais le gars, là, moi, je suis sûr que là, cette séquence-là, là, vraiment, là. Moi, je pense. Non. Ok, faut. On va faire deux fois. Là, tu commences à te taper ses nerfs. Ouais, c'est ça, c'était mon tribute, man. Non, mais Alex, il l'a dit. Ils sont pas habitués de faire la TV. C'est juste ces gars qui sont pas habitués de faire la TV, puis ils ont été garochés là. Moi, je suis sûr qu'ils faisaient flasher une paire de tits, man, pendant qu'ils disaient ça. Total. Non, c'était. RDS, c'était assez. Puis c'est la même affaire pour José Théodore. C'est des gars qui sont vraiment. Ils n'ont pas d'affaires. C'est pas des gars de com, télévision. Ça. Non, mais au moins, peut-être dans une couple d'années, mais faites la radio avant. Après ça, Mais là, ça, c'est un sujet. Va en 91. Alex, Mike Bossy. Après ça, viens t'en faire de la TV. Mike Bossy, c'est pas un gars de com, mais à TVA Sport, il est drôle. Ouais, mais attends, là. Mais il en a fait longtemps avant. Ça fait longtemps. Mike Bossy a fait de la radio à 96.9 dans le temps. Il parle comme un hostie tout croche, mais il est drôle en ouais, ben, mais c'est comment le tourner, il freeze pas, tu sais, comme José Théodore, là, vraiment, à TV, t'as vu, il a freezé. Lui tout, man, il gèle, les gars, je peux rien penser. Ben, aussi, il y a une question d'expérience, là. Il y a une question d'expérience, puis il y a une question de comment t'es capable de parler devant du monde, aussi. Ben, mettre le monde à bonne place, aussi, il n'y a pas d'affaire, là, Théo, puis Brisebois non plus. Et voilà, tu sais, RDS, t'as des gars comme Guy Lafleur, Vincent Danfous, Jacques Demers, c'est des gars, des winners. Si tu commences dans des shows pas de monde. T'as Brisebois, commence à Dave Morissette. Dave Morissette, tu can fuck up comme ça, tu sais, on peut faire comme. C'est un hostie de singe, Morissette. Tu peux pas faire comme analyste. Ah, mais c'est correct, que Brisebois se plante même... avec Morissette, tu sais, mais en onde, analyser les jeux. Honnêtement, là, Morissette, là, en tant qu'animateur, il est vraiment pas spé, puis il est comme, il est sympathique. Il est sympathique. Il est là pour divertir. Il est juste pas bien entouré. Il est pas mauvais, puis il fuck jamais, il jam jamais vraiment. Comme c'est le, la TV c'est le Tom Gilbert de l'animation. Ah non, c'est sûr, Chris, tout ce qu'il y a eu dans sa vie, c'est une après-carrière. Il a fait 110%, mais il a fait le tapeur. Sérieusement, Dave Morissette est comme à la solde de TVA, puis il est prêt à faire toutes les hosties de bouffonneries. C'est la vedette. C'est la vedette. Les bouffonneries, on s'en calisse. Il est comme, hey Dave, mets-toi ses mains, là puis jongle avec un ballon avec tes pieds, puis il va le faire. Je parle pas de ça, je parle de comment il est parle à la caméra. Ouais, mais comment il parle à la caméra, il est pas mal. Ouais, il accroche est correct, moins. Ah ouais, avec ses deux devils. Demain. Peut-être que tu l'aimes pas, mais il est correct pour la TV. Je dis pas que... Sérieusement, il est correct pour la TV, mais je veux dire, ils ont trouvé leur clown de service. Mort, t'as même pas le corps. Et voilà, Chris, le fou du roi. Exact. C'est pas grave. C'est lui qui passe aux nouvelles avec Pierre Bruno pour dire que ce qui s'en vient à TV Sport. C'est le frontman. C'est vrai que j'ai pas le corps. Mais j'ai l'Ico Web, je suis tout capable de checker ça. Tu sais quoi? Je manque pas grand-chose avec TVA Sport. Maintenant. Non, effectivement. Par exemple, si t'as d'autres broadcasts... Je pas le Chris de Corp pour checker du hockey. C'est un bon point, ça, par exemple. Hey, wow. Puis là, en ce moment, il y a des games qui passent à RDS, puis calisse que je vais m'ennuyer d'eux autres, mais qu'on tombe à TVA Sport. Ils sont vraiment meilleurs, TVA Sport, RDS que TVA Sport. Fuck, j'ai envie de me fourrer, là. Oh, t'es fatigué, Jean-François. Je suis brûlé de ma semaine. Non, vraiment. Plus jamais je vais dire du bon de TVA Sport. Il y a vraiment un disparate. Il y a un clash, là, tu sais. Entre les deux postes. Il y a un méchant gouffre. Non, mais c'est parce que t'as RDS qui a tant d'années de profession, tu sais, dans leur antenne. Mais j'aurais pensé que TVA aurait été cherché. Ouais, j'ai un monde d'expérience. C'est drôle, mais c'est quand tu peux te comparer que tu peux te consoler. Non, mais TVA Sport. Tu sais, Pierre, des fois, comme hier, comme ma parole, tu sais, il y a des vieilles expressions. C'est Pierre. On les a acceptés. On va dire que Pierre Wood, là, c'est quand même le deuxième René Lecavalier. Mais on a chiolé. On a chiolé sur Yvon Penneau. On a chiolé sur Brunet. Il en fait puis il en dit des niaiseries, Pierre. Mais on n'a pas chiolé. Sa signature, ça. Et le but, ça. Et le but. Ça sonne bien. Et contre. Et con avec sa petite voix de Fifi. Mais quand tu vois, Maguire, il fait et contre. Il fait bien. Ouais, mais il l'a bien. Ouais. C'est ça. Il l'a bien. C'est gay, il n'y a pas de d'âme. Sauf que tu nommes Maguire, c'est le meilleur commentateur de hockey en France. Ben, Danny Dupé, c'est le meilleur analyste. C'est le meilleur team, c'est eux autres. Si on parle TV, j'aime mieux le et le but. Marc Denis est excellent. On n'a jamais chialé sur Marc Denis. D'année en année, il devient meilleur. Il est parti quand même solide. Puis vous et tout. Mais le et le but de Pierre Wood, je le mène. Ça sonne bien. C'est signature. Ça sonne bien, man. C'est sa signature. Et le but, il y a de l'émotion. Mais c'est le but. Il en met tout le temps en plus, on dirait. Puis, tu sais, j'aimerais bien. Il y a du grit dans sa voix. Il vient avoir une petite voix rouge. Non, c'est parce qu'il est capable de dire un but pour les visiteurs, puis un but pour l'équipe à maison. C'est plus que c'est canadien. Ouais, mais il y a tout le temps de l'émotion quand même. Au cas qu'il y a des fans de l'autre équipe qui écoutent. C'est parce que Pierre-Route comprend comme le. Sauf pour le canadien. Le Pierre-Route, genre, on pourrait comme le critiquer, c'est genre tous ces décrochages qui commandent plus à la game puis qui parlent de F1 puis parle de tout ça. Puis il se met comme à parler genre « Alors, ce soir, la fête de grand-maman. » Ouais, mais ça, c'est sûrement le poste qu'il impose. La fête de grand-maman. C'est pas le poste qu'il impose, c'est Pierre-Aude. Non, lui, je pense qu'il a tout comme la liberté qu'il veut. Est-ce que tous les sujets sont cross et out? On a tout fait. On a fini, là. Il y avait sur le pacing. Ah ben, ouais. C'est une bonne affaire parce que ça me bouillonne dans le fond de la flûte. Oui, tout. la boucle commence à me brûler. À moins que vous ayez d'autres choses à rechercher, c'est la fin du podcast. Si il y a quelqu'un d'autre qui parle, là, moi, je pisse dans mes clés. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter, la soirée du podcast. Twitter, on est at soirée du podcast. Allez écouter l'épisode de Parlons Balado qui va sortir la semaine prochaine. J'ai fait un passage, j'étais invité d'honneur là-bas. Là. Grosse pide. Parlons Balado. Ouais, c'est un podcast qui parle de podcasting. Fait que j'étais comme l'invité pour cet épisode-là. Ils m'ont posé des questions de hockey. Fait que c'était bien. Là. C'était français, il parlait-tu le palais puis. C'était pas français. Ouais, ça fait français. Ouais. Parlons Balado. Non, vraiment. Alors pas. Aujourd'hui, parlons. Non, c'était animé par l'excellent. Alors, Parlons Balado, non. Bande d'enculés. C'était animé par l'excellent J.S. Chapelot, qui est celui qui a fait notre pool de hockey. de la soirée du podcast. On le remercie. Il a fait un excellent job d'ailleurs. Ah, c'est lui qui fait ça. Merci. C'est lui qui était l'animateur quand je suis passé sur ce show. Ok, ben c'est pas lui l'animateur tout le temps. Non, mais là c'est le nouvel animateur pour ce. Jess Chaplot, il est dans le pôle, lui. On devrait y envoyer un t-shirt dans deux ans. C'est lui qui crée notre pôle pour nous autres. Un Chaplot, c'est un Chaplot, c'est pas un caricature. Hey, c'est quoi que j'ai à dire? Chapeau, Chaplot. Oh, fait qu'allez écouter ça, puis il y a pas de jasette aujourd'hui après le podcast, mais je risque d'en faire une moi avec Guillaume Comeau cette semaine. Fait qu'il risque d'avoir un épisode quand même, puis sinon, la semaine prochaine, dans deux semaines, on aura un podcast de la jasette après notre soirée du podcast. Un programme double. Un programme double, comme les Blue Jays. Comme au baseball. Hey, c'est tellement bon le baseball. C'est on le fait fun, des programmes le baseball. Doubles. On commence avec ça, on finit avec ça tellement que c'est le fun. Tu peux regarder des coups de circuit, manger de la crème glacée. On va aller voir tantôt. Juste pour finir, avez-vous vu la fois que Russell Martin s'est comme placé puis il a comme avancé son coude pour se faire pogner par la balle? Il est bien fait. Russell Martin a un tic entre chaque frappé de cracher dans ses mains puis se frotter les mains de même puis de rattacher ses gants puis c'est ça qui hâte le baseball. Ouais, c'est tout le match. Les rattacher les gants puis kicker à terre dessus de ses spikes. Les pitchers qui se lichent les doigts. Ouais, mais ça c'est pour la sensation. Qu'est-ce qu'ils doivent puer de la bave. Avant au baseball par exemple, tu te faisais faire un strike au bâton. Chris, tu ne tournais pas 12 pieds en arrière puis revenais puis t'achetais tes gants. Tu te plaçais pour battre. Ça, là, pour de vrai, quand tu joues au baseball, tu sais, en tabarnak, c'est inutile. Le kick à terre en dessous de tes spikes. Là. Pour de vrai, ça a aucun effet sur ton. C'est juste swing, un temps de ralentir la game. C'est un tic. Ça, c'est comme le gars au hockey qui manque comme son slap. Après ça, il va essuyer sa palette. Ouais, c'est ça, c'est con. Attacher les gants. Ils sont déjà attachés. C'est pas parce que t'as swingé qu'ils sont là. Non, c'est des tics, ça. C'est te mettre dans le mood. T'arrives au marbre, se rendre focus. Ok, il a pitché là. C'est beau. Ouais, okay, c'est genre know your marbre. Go Cubs. Yeah. Go Jays. Fait qu'on se revoit dans deux semaines pour l'épisode 3 de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde. Bravo. Bravo.